Kim. Bigou. Oh, elle est monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brise magnifique. Premier mot, premier ils sont champions de France. Regarde. Et où la bataille était le mal. La bataille était le mal ce moment-là. On est les champions, putain! On est les champions! Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill, c'est la 10ème émission de cette saison 4. Un réel plaisir de vous avoir encore une fois sur Radio Campus Montpellier. Et un réel plaisir puisque c'est une grande émission ce soir, n'ayons pas peur des mots, hein, il faut le dire. Pourquoi? Puisqu'on va recevoir des invités, j'avais pas envie de dire spéciaux, mais très importants ce soir. Un petit palmarès. Un petit palmarès entre guillemets. Avec Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot et Pierre Lecor, qui sont tout simplement trois champions du monde de triathlon, qui sont avec nous ce soir en seconde partie d'émission, vers 19h40 pour être précis, si nous sommes pas en retard, mais ça j'en doute fort de mes chroniqueurs. D'ailleurs ce soir, mes chroniqueurs sont à ma gauche, Guillaume et Yacine, salut les gars. Bonsoir. Salut à tous. Et à ma droite, Alex et Romain, fidèles au poste. Salut à tous. Et bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes et à tous. À toutes et à tous. Grande émission. Avant nos champions du monde, on recevra rien du tout. On parlera de Champions League, de Masters de Londres, du 15 de France, de quelques résultats foot en bref, de la route du Rhum évidemment, l'événement du week-end aussi, et quelques autres sports dont nous parlera Romain en fin de résultats. Et puis évidemment le quiz, etc. Comme d'habitude, hein, notre brève émission ne change pas. Et sans transition, on passe tout de suite aux résultats de la semaine. Sport & Chill, les résultats. Et on va commencer avec les Masters de Londres. On va parler un petit peu puisque ça n'a pas trop commencé. On va dire que ça a commencé quelques matchs, trois matchs si je ne me trompe pas. Ouais. Avant de parler des Masters, donc on pourrait noter la victoire de Stefanos Tsitsipas, le grec, dans les Masters Next Gen. Donc c'est pour les jeunes, moins de 23 ans. Si... 21 ans. 21 ans. Merci 22, de me confirmer, 22, Yacine. Mais à coup. 22, oh, voilà, comme ça, là, voilà, puisque on coupe la poire en deux. À 22. Qui s'est imposé donc en finale contre Alex de Minaur. On pourra noter également le titre de la République tchèque en Fed Cup, donc c'est la Coupe Davis féminine. Victoire 3 manches à 0 des Tchèques donc, contre les États-Unis, qui c'était à Prague. La Tchéquie s'impose donc pour la 6ème fois en 8 ans en Fed Cup, ce qui n'est pas rien. Et donc pour les Masters de Londres, victoire hier de Kevin Anderson, qui s'est imposé contre Dominic Thiem, et Nishikori, un peu à la surprise générale, qui s'impose contre Roger Federer. On pense à Vincent. Oui, petite pensée à Vincent, évidemment. Et donc, malgré cette défaite, est-ce que l'on se dirige tout de même vers un duel Federer-Djokovic pour vous en finale, avec l'absence de Rafael Nadal? Oui, Djokovic, oui. Mais oui, c'est moi. Est-ce que tu as des origines serbes, Guillaume? Oui. Non. Faut pas abuser. Non, j'adore la Serbie, c'est bien, c'est un beau pays avec des grands joueurs de tennis. Et Djokovic, il va arriver en finale, je pense, sans grand souci. Surtout que son groupe est assez simple par rapport à celui de Federer. Il est plus abordable. Est-ce que Federer va pouvoir sortir de son groupe? Oui. Mais je pense que voilà, Djokovic va le prendre en demi en fait. Je pense que Federer va terminer deuxième et après là le battre, on a vu le duel à Bercy. Ouais. Qui était âpre. Voilà, ça va être tendu. Ouais. Alors la surface c'est pas la même, c'est un peu plus lent, mais. Bon, il y aura match, mais je pense que Djokovic le battra. Toute petite réaction, Romain. Oui, simplement pour dire, comme nous le précise Guillaume, qu'a priori, pour Djokovic, ça devrait être, non pas une formalité, mais une logique qu'il aille jusqu'à la finale. Pour Federer, petite inquiétude depuis hier, et je pense effectivement légitime, surtout avec la place qu'il risque d'occuper à la fin de ses premiers matchs. Donc, pourquoi pas, effectivement, voir Nishikori ou Anderson, qu'on a vu notamment, aller jusqu'en finale. Oui. Ok. Surtout vu de la surface. Je vais plutôt te laisser réagir sur le foot, Yacine. Je sais. D'accord. Que, même si tu es spécialiste de tous les sports, hein, oh, c'est très gentil, notre grand champion de questions pour un champion, ne l'oublions pas. Tu me flattes. On va parler du foot. Avant de parler de la Champions League, j'ai choisi, on va dire délibérément, quatre matchs, pardon, de ce week-end. On va commencer avec la Copa Libertadores. qui est, on va dire, la finale de Champions League sud-américaine, si je peux l'appeler comme ça, parce qu'il est ça d'ailleurs. C'est ça, oui. Un match qui a opposé donc deux ennemis pour toujours, de toujours en Argentine entre le Boca Junior et le River Plate. Une finale à deux manches avec un match nul, deux buts partout pour le match à la Bombonera. Donc c'était chez Boca Junior. Et une petite question du coup pour toi Yacine, est-ce que, enfin même pour les autres, mais est-ce qu'un match comme celui-là prouve encore que l'Amérique du Sud, c'est l'expression de la technique, du football, on va dire entre guillemets samba, à défaut du football un peu plus tactique que l'on voit en Europe? Bon, je pense que le football samba, pour parler de l'Argentine, qui est quasiment un calque du foot européen, est paradoxal. Surtout samba pour le Brésil et les Argentins qui n'aiment pas trop ça. Ouais, exactement. Non, moi je dirais pas forcément ça, en tout cas à mes yeux, mais toujours est-il, quand, enfin moi pour avoir vu le match, je ne sais pas si c'est le cas de vous tous, en termes d'engagement et en termes de spectacle, on sait que le niveau évidemment est moindre que dans les grands championnats européens, mais je veux dire pour une finale, ça a tenu toutes ses promesses, ça a été chaud sur le terrain, ça a été chaud dans les tribunes. Je pense qu'en matière de spectacle, peut-être hors terrain, l'Amérique du Sud à travers ce Super Classico peut donner des leçons à l'Europe, concrètement. Techniquement, je pense qu'on n'en est pas encore là, surtout pour le foot argentin, quoi. J'avais raison de poser la question à Yacine, finalement. Peut-être une autre réaction, mais dans un autre match, peut-être un spécialiste plus germanique. Je sais qu'il y en a qui adorent parler allemand ici. Entre le Bayern et le BVB, donc Bayern est contre Dortmund, et victoire du BVB, 3 buts à 2 à domicile, malgré l'avantage au score du Bayern dans le match. À noter le doublé de Robert Lewandowski pour le Bayern et de Reus pour le Borussia, et c'est l'Espagnol Paco Alcácer qui a libéré le Signal Iduna Park à la 73e pour Dortmund. Donc on a noté des débuts compliqués du Bayern Munich en Bundesliga, même s'ils sont présents 3e à 7 points derrière Dortmund. On a noté cependant que le Bayern se reprenait tout le temps, voire prenait de l'avance dans les matchs en jeu. En l'occurrence, cette défaite du Bayern est-elle symbolique d'un passage de pouvoir entre les deux clubs? Non, pas... Enfin... Peut-être qu'à la fin de la saison, le BVB de Lucien Favre sera champion, mais de là un passage de témoin sur la durée, j'y crois pas trop, surtout qu'il y a des bruits qui courent que Niko Kovac pourrait éventuellement sauter avant la fin de la saison, donc 7 points de retard... C'est pas insurmontable, donc franchement je souhaiterais que Dortmund soit champion, ils peuvent l'être, mais sur la durée c'est pas possible financièrement, la structure, pour plein de raisons. Le Bayern restera toujours le roi de l'empire germanique. Après c'est à souhaiter quand même que la différence de niveau se réduise sur la durée, parce que le championnat d'Allemagne depuis 5 ans, ça c'est déjà le cas, parce que tu as beaucoup d'équipes, Gladbach, Leipzig, l'année dernière quand même le Bayern est champion avec 25 points d'avance, donc On parle d'un autre match encore, désolé c'est des réactions très courtes, mais oui, c'est pour parler de beaucoup de matchs. Il faut respecter. Oui, et le derby of Manchester, victoire 3 buts à 2 de Manchester City dans le derby donc contre Manchester United. But de Silva, Agüero et Gundogan pour les Citizens, et le but sur penalty d'Anthony Martial. Peut-être Guillaume, est-ce qu'on est parti sur des prochains derbies sans intérêt, tant les Citizens sont faciles et tant United est dans le doute? Que les derbies de Manchester. Ouais. Non, je pense pas, parce que c'est toujours des matchs spéciaux. Manchester United ne sera jamais à la rue. Il y aura toujours match. Hier, bon, c'est vrai que la supériorité de City s'est fait vite sentir parce qu'ils ont marqué assez vite. Et dès que tu marques contre City, tu pars avec un handicap. Là, c'est presque peine perdue. Après, Manchester, on l'a vu en Ligue des Champions, sait sortir des gros matchs et renverser des petites montagnes. Donc non, je pense qu'il y aura toujours match, en plus avec un entraîneur qui sait, on peut le critiquer tant qu'on veut, mais il sait gérer ces matchs-là. Hier, c'est pas passé, ça pourra passer au retour à Old Trafford, on ne sait pas. Mm. Et en tout cas, ce match prouve qu'il y aura une lutte à 3 pour le titre. Avec Liverpool et Chelsea, je pense que ça y est, c'est définitivement cuit pour United et Arsenal et Tottenham. Ok, l'avis de Guillaume, et enfin un dernier avis, deux derniers avis peut-être avec Romain, puisqu'il n'a pas parlé sur ce volet foot. Mais j'ai rajouté un petit match à la fin, c'était Juve Milan. Bon, vous savez, mon désintérêt pour la Serie A, hein. Non, c'est pas vrai. Le Milan s'est incliné à domicile de but à 0 contre la Juventus. Mandzukic a ouvert le score à la 8ème minute et CR7, donc Cristiano Ronaldo, a conclu à la 81ème. A noter que Higuain a raté le penalty de l'égalisation contre son ancien club et prend également un carton rouge à la 84ème. On a parlé beaucoup de la Juve qui était, selon vous, selon nous, du coup, les chroniqueurs, un grand favori à la Champions League cette année. Parlons un peu de l'AC Milan, des beaux recrutements, un projet malgré le problème avec l'UEFA qui est plutôt intéressant. Et pourtant, on sent toujours que le grand Milan n'est pas encore prêt pour la Champions League. Est-ce que j'ai raison ou pas? Ah, on en est encore très très loin personnellement. Ce que je peux dire, c'est que pour avoir vu le match, c'était encore une fois très caractéristique des symptômes de cette équipe-là. Malgré le fait qu'il y aurait, que la moitié de l'équipe type n'était pas là pour cause des blessures ou de suspension, on peut voir, ça reste mon avis en tant que personne très, très objective sur ce club, le système, il n'y a pas de cohérence de jeu, il n'y a pas de jeu, l'esprit d'équipe ne fait pas tout. Dire le fait d'envoyer que des guerriers sur le terrain, c'est bien, mais ça ne rapporte pas forcément des points. Et pendant ce temps, le grand rival milanais continue à grappiller des points, lui développe un jeu depuis l'an dernier. Et il ne faut pas oublier non plus que la lutte pour les 4 premières places, on peut déjà enlever la place de champion qui est déjà attribuée. Les 3 places sont très chèrement disputées depuis 3 ans au moins, entre les 2 clubs de Rome, les 2 clubs de Milan, le Napoli bien évidemment. Pour l'instant, le Milan n'est pas fait pour la Ligue des Champions. On voit même que pour l'instant, c'est très poussif en Europa League. Je pense que pour l'instant, l'Europa League est fait pour que cette équipe-là, avec des joueurs moyens, pas de grands joueurs, s'aguerrisse. On verra par la suite. Ouais, une petite réaction avant de passer à autre chose. Oui, j'ai un petit peu la même analyse. Yacine sait s'en suivre autant que lui que j'aime beaucoup ce club. Pour autant, il met du temps à se reconstruire, pas à pas. Au niveau du jeu, c'est là où je le regrette. Il y a pas encore cette cohérence. Pour autant, il y a quelques joueurs intéressants, notamment techniquement. On sait que Suso intéresse par exemple beaucoup de clubs européens et un très bon joueur, ou que Gonzalo Higuain, qu'on le veuille ou non, pourra dans des moments importants de la saison rapporter des points. Je suis d'ailleurs bien triste pour ce qui s'est passé pour lui dans ce match. Voilà, il a pété les plombs, mais il ne méritait sans doute pas ça. Et finalement, pour le Milan AC, effectivement, dès cette année, s'aguerrir en Europa League et réaliser au moins un classement aussi bon que celui qui est le leur actuellement, c'est-à-dire 4e, serait déjà une performance somme toute raisonnable. Voilà. À l'inverse, la Juventus risque de marcher sur cette Serie A de très haut niveau à nouveau. Ok, très bien. On va passer à notre sport et un match qui a eu lieu donc ce week-end, ce samedi soir, avec le 15 de France qui malheureusement incliné à la dernière minute. Et défaite encourageante. La fameuse défaite encourageante. Oui. Oui, je te laisse un peu présenter ce match alors que Romain nous montre la une du Midi Olympique. Oui, donc défaite de la France 26-29 contre les Box. Oui, on peut parler de défaite encourageante, puisque bon, c'est vrai que l'équipe de France a quand même montré du mieux. Bon, c'était pas très compliqué, mais par rapport au précédent match, je vais retenir les choses intéressantes. Le jeu au pied de Camille Lopez, j'ai aimé, même si pour moi je doutais de lui, mais force est de constater que ça doit être l'ouvreur du 15 de France. Il n'y a pas trop de concurrence à ce poste là Ensuite, Teddy Thomas, des fulgurances extraordinaires, mais il mange la feuille. Voilà, ça fait partie du personnage, oui. Il doit progresser là-dessus. J'ai appris il y a une heure de cela que Damien Penaud était out pour la fin de la tournée. Donc c'est Johan Huger ou Benjamin Fall qui va le suppléer. Qui avait fait un bon match, si je ne me trompe pas. Pour Penaud, oui. Pour Penaud, à part à la fin où il doit laisser. Bon, après, au niveau de la compo de Jacques Brunel, Penaud à l'aile, je ne comprends pas. Pour moi, la paire de centres Doumerou-Bastaro, c'est plus possible. C'est pas Sonny B. Williams, Léo Flott, c'est plutôt les en avant pour eux. Et voilà, par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que du coup, Ficou va jouer. Mais si Ficou joue à l'aile, non, il a fait une très bonne entrée, on l'a vu, et je trouve que cette équipe de France, alors devant, très bon match d'Ituria, etc., je ne vais pas revenir dessus, mais manque un peu de collectif, parce que quand même, la première mi-temps, il n'y avait pas d'équipe en face, il faut quand même l'avouer. Moi, j'ai vu le super rugby, c'était. Enfin, Super Foundation, bref. Oui. Destination du Sud, voilà. Ouais. C'était quand même une petite Afrique du Sud, et donc moi, ils donnent des points gratuitement et tout. Donc moi, j'attends le match face aux Pumas, qui ont quand même. perdu seulement 28-17 et qui menait à la mi-temps en Irlande. C'est pas donné à tout le monde, donc voilà. Est-ce que tu as une question pour nos chroniqueurs sur ce match ou pas du tout? Est-ce que vous direz que c'est une défaite encourageante? Voilà, tiens, on va reprendre. Voilà. Est-ce que peut-être parler de la composition de Jacques Brunel est forcément pas d'accord, Alex, ouais, mais avec Doumerou, est-ce que vous êtes plutôt d'accord ouais, sur la paire de centre essentiellement, ouais, qui... Bah, j'aurais mis Ficou, voilà, ouais. qui est en pleine bourre avec le Stade Français. Intermac même, hein, si même Intermac, pas titulaire mais dans le groupe. Intermac. Ouais. Ah, je suis moins d'accord. Mais... Intermac, oui. Non, après, globalement, sur le reste de la composition, mis à part la paire de centres, je ne suis pas forcément opposé. D'ailleurs, on voit que derrière, Médard et Penaud, c'était plutôt satisfaisant. Thomas, comme d'habitude, fait de jolies choses, puis croquer la feuille, notamment sur la contre-attaque de 40 mètres, voire plus qu'il fait en première mi-temps, et où il rate deux joueurs, comme d'habitude. Ça, c'est interdit au niveau international. Non, c'est absolument interdit. Il est assez coutumier du fait, hélas, on a pas mal d'alliés qui manque d'intelligence tactique. Et moi, la défaite encourageante, je veux dire, avec l'équipe de France de rugby, c'est quasiment un leitmotiv. Ça fait 3-4 ans qu'on attend toujours ça. Et bon, la défaite encourageante, à un an de la Coupe du Monde, on ne peut pas avoir que ça, quoi. Je ne sais pas, sachant que le 6 Nations arrive bientôt, défaite encourageante quand tu mènes 23-9, je ne sais pas. Oui, mais Teddy Thomas, l'avantage c'est qu'il va vite, quoi. Tu vois, c'est pas une voiturette, donc c'est quand même utile parce qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Donc il faut qu'il se corrige tout seul, mais t'es obligé de le mettre. Non, quoi. Mais je veux dire, voilà, la gestion du match est catastrophique par ces bleus-là, la volonté est là, etc. Mais la bonne volonté, et quand tu mènes, je crois qu'en plus ils avaient un ballon à 5 mètres de la ligne d'embut sud-africaine à 2 minutes de la fin. C'est inacceptable. Quand tu ne sais pas gérer ce genre de phase de jeu, c'est absolument inadmissible au niveau international. Tu peux progresser dans tous les aspects du jeu que tu veux. Surtout qu'en première mi-temps, il faut bien insister sur le fait que les Sud-Africains n'existaient pas. Ah, ils étaient restés à l'aéroport de Johannesburg, tout à fait. Je pense que ce match est finalement à l'image de Johannesburg. À l'image de cette équipe de France que l'on voit depuis des mois, voire plusieurs années, avec du mieux, parce qu'effectivement, dans le jeu, j'ai vu des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. On avait dit lors des dernières émissions où on avait eu l'occasion de parler du 15 de France des défaites encourageantes. À la fin, on avait été agacé, on avait arrêté de dire défaites encourageantes. Et pour autant, effectivement, ce que je retiens, c'est qu'on a envie de le redire à nouveau parce qu'on a vu des belles choses, notamment lors de la première mi-temps. Face, certes, j'en conviens, je suis assez d'accord par rapport à ce que j'avais vu, notamment des box qui avaient tombé la Nouvelle-Zélande il y a un mois. Une équipe d'Afrique du Sud assez limitée. Et puis après, oui, des choix de Jacques Brunel qui posent question, qui ont posé questions avant le match et même encore après, mais qui sont avérés payants pour certains d'entre eux. Je sais que Maxime Médard, son retour à l'arrière, avait surpris tant que titulaire. Il est en feu au Stade Toulousain, il faut regarder les matchs. Il a fait un bon match. Il faut regarder les matchs. Mais par exemple, tu parles du Stade Toulousain, tu as parlé de Ntamack. Certains seraient intéressés par voir Thomas Ramos en équipe de France. Oui, moi je suis pas contre. Voilà, ou attendre effectivement un retour en forme de Brice Dulin. Mais moi j'étais satisfait que Maxime Médard soit là et il m'a donné raison sur le terrain. Et à l'inverse, aussi un autre joueur qui a satisfait et qui était pourtant pas à son poste, c'est Arthur Ituria. Et qui a été sans doute le meilleur joueur de ce match. Il est l'homme du match et c'était mérité. Pourtant, défaite encore une fois, avec cette mêlée à 5 minutes du terme où on revient jusque dans notre camp. Voilà, assez rocambolesque, on ne doit jamais perdre ce match et on le perd à nouveau, donc ça montre que mentalement on n'est pas encore tout à fait dans le vrai et qu'on fait des erreurs techniques à ce niveau international qui sont pas possibles. On battra les Fidji. Oui, mais juste un truc après. L'Argentine. Après, bien évidemment, pour moi, au poste de demi de mêlée, Dupont doit être titulaire, c'est un phénomène. Et je pense que Dupont-Lopez, ça peut faire vraiment mal, quoi. Donc, mais serein en remplaçant, on a des demi de mêlée à l'appel, hein. Comme dirait Moscato, tu tapes dans le buisson, il y en a plein qui sortent. Donc, ce qui me dérange un peu, et c'est pas nouveau pour moi, en tout cas, c'est le constat que je fais. Et je ne mets pas que Slimani dedans, dont on sait qu'il est assez fréquemment ciblé par les arbitres. Ah, bah, Slimani. La première ligne. La première ligne m'inquiète quand même. On est très souvent fautif à la mêlée. J'ai pas vu Poirot vraiment dans un grand jour, encore une fois, contre l'Afrique du Sud. Pourtant, j'avais pas l'impression que la mêlée sud-africaine était inatteignable samedi. Il n'y a plus beaucoup de mêlées dans le rugby moderne et dans le match, je crois qu'il y en a eu quoi 4 5 peut-être ouais. maximum, il y en a très peu. Ouais, mais enfin, dans les 4 ou 5, il faut savoir les gérer aussi. On a souvent mis. Ouais, mais Slimani n'était pas titulaire. Non, non, il est rentré, mais non, mais c'est pour c'est ça qu'en fait. Hein, non, mais c'est pour ça que je voulais élargir en fait la première ligne au-delà de Slimani. Qui Slimani, la plupart du temps, lorsqu'il jouait, était ciblé. Là, il n'était pas titulaire, il est rentré en cours de jeu. Ben, la première ligne n'était pas très performante. Bon, on va poursuivre parce que je sens que ça part dans des débats entre joueurs et sachant qu'il y en a 15 ans. Enfin, entre gros. Ouais, voilà. En effet, on va passer à un autre sport. Un sport qui a compté ce week-end, malgré qu'on en parle, enfin, bien qu'on en parle très rarement dans l'année, c'est la voile et c'est la roue du Rhum. C'est la voile avec un événement d'importance. Avec un événement d'endurance et pourtant qui se finit au sprint. Exactement, ouais. De manière très surprenante, et je pense qu'il y a de quoi du coup passionner ceux qui regardent la voile de plus loin, parce qu'effectivement c'est une course, la route du Rhum, qui correspond à une traversée de l'Atlantique, hein, de Saint-Malo si je ne me trompe pas pour Saint-Malo, le départ, c'est jusqu'à en Guadeloupe, je n'étais pas sûr de la ville en Bretagne, et qui met à peu près une semaine, ce qui est déjà plutôt rapide au vu de la distance à réaliser, pour la catégorie ultime, qui est la catégorie qui a décerné son vainqueur pas plus tard qu'aujourd'hui, sachant que c'était à plus de 4h du matin, 4h20 ici, et donc qui a vu la victoire de Francis Joyon sur son bateau sponsorisé Idexport devant François Gabart, massif. Après 6 jours de course poursuite, Gabart était en tête pendant l'ensemble des 6 jours et s'est fait doubler lors du tour de l'île de la Guadeloupe dans un scénario totalement hallucinant, au sprint, comme le dit Flo, sachant qu'arrivé à Basse-Terre en Guadeloupe, Gabart était encore en tête, et alors qu'aussi on pensait une arrivée au début aux alentours de 22h, celle-ci a été largement retardée. 4h du matin. 4h du matin, notamment avec une situation, comme on dit, pétole, donc pas de vent. Et effectivement, Francis Joyon, l'aîné, 62 ans, pour sa 7e participation à la Route du Rhum, a battu le junior, mais déjà vainqueur du Vendée Globe, François Gabart, 35 ans, donc vraiment une génération d'écart. Et c'était un magnifique duel. On verra ce qui se passe dans les autres catégories. Et j'ai vu beaucoup de respect entre ces deux hommes qui ont donné une leçon de sport de ce côté-là. Avec un écart seulement de 7 minutes. Et donc, en conclusion sur Francis Joyon, à dire que celui-ci a battu le record de l'épreuve sur le même bateau que Loïc Perron en 2014. Un Joyon de la voile, quoi. Voilà. Un Joyon de la voile. Joyon de la voile. Et à une vitesse, pour les connaisseurs, moi qui connais un peu le bateau, ça fait déjà bien rapide, de 23,95 nœuds de moyenne. C'est un peu inférieur à 50 km/h et sur l'eau, ça va très vite, je peux vous le dire. Et donc, on a le plus faible écart depuis 40 ans sur la course. Et donc, les autres catégories arriveront plus tard. Et la dernière chose que je voulais dire donc, sur cette route du Rhum, c'est le classement actuel de Quito de Pavan dans la catégorie classe 40, qui est le local, qui est classé 4e pour le moment dans une catégorie dominée par Johan Richomme. En tout cas, qui était classé 4e au dernier moment que j'ai regardé. Je crois 3e, si je ne me trompe pas. Il aurait pris une place sur le podium. Ouais. Ça serait encore plus merveilleux. Cette victoire prouve que avoir un âge avancé est tout à fait conciliable avec une pratique du sport de haut niveau. D'accord. Oui, tu fais bien de le dire. Merci Alex. Et après, dans ce sport particulièrement, sachant qu'il y a de la technique, il y a une question d'expérience, et Francis Joyon l'a montré, et c'est la plus belle victoire de sa carrière, assurément. Allez, avant de passer aux autres sports, on va finir encore sur du foot. On va revenir sur du foot et la Ligue des Champions. Un sport noble. Sur un match précis dont tu nous as choisi, Guillaume, avant un petit rappel des résultats en bref, quelques matchs notamment dans les groupes des clubs français, avec le match nul du Paris Saint-Germain mardi à Naples, 2-2, et dans le même groupe, grosse surprise vu que l'Étoile Rouge de Belgrade a battu Liverpool 2-0, ce qui relance un peu tout dans ce groupe, et le PSG peut dire merci à Belgrade de les laisser en course. Monaco a encore sombré en Ligue des Champions face à Bruges 4-0 sur la pelouse de Louis II. C'est définitivement terminé pour les Monégasques en Coupe d'Europe, même pas de possibilité de se qualifier en Ligue Europa. Il y a aussi eu deux gros chocs ce mardi avec l'Atlético Madrid qui a battu Dortmund 2-0 et qui se venge un peu du match aller, et l'Inter qui a arraché le nul en fin de match face au FC Barcelone. Et enfin, mercredi, la Juventus s'est inclinée sur sa pelouse et par surprise avec un scénario cruel pour eux. 2-1 face à Manchester United, une défaite également en fin de match. Et enfin, dans le groupe du dernier club français, l'Olympique Lyonnais, Manchester City s'est imposé 6-0 face au Shakhtar Donetsk et Lyon a concédé le match nul 2-2 sur sa pelouse face à Hoffenheim. Là aussi un scénario cruel pour les Lyonnais qui est exactement le même qu'au match aller puisqu'ils encaissent l'égalisation à la 91e minute il me semble. Et donc ma question dans ce groupe, mis à part City qui semble s'envoler avec 9 points, qui voyez-vous sortir? Alors je vais vous rappeler le calendrier qui reste. L'Olympique Lyonnais recevra City tandis qu'Offenheim recevra le Shakhtar la prochaine journée. Et Lyon terminera à Donetsk tandis que City recevra Offenheim à la dernière journée. Qui sortira à votre avis? Moi je dis Offenheim s'ils battent Donetsk. Enfin non, pas s'ils battent Donetsk justement. S'ils gagnent les deux matchs, ce qui me paraît logique. Non, justement je suis plus pervers que ça. S'ils font match nul contre Donetsk, Donetsk est encore à jeu. Donetsk gagne à domicile à Kharkiv contre Lyon et Offenheim va mettre la fessée à City. Parce que finalement on pouvait penser qu'avec les débuts de Lyon ils étaient en position très favorable, mais l'enchaînement des matchs nuls les met en fait dans une situation difficile et c'est le calendrier en fait qui leur est défavorable au Lyonnais. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Parce que City peut ne plus rien jouer à la dernière journée face comme à Bâle l'année dernière. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Oui, à cette journée de championnat de phase de poule, ils avaient les moyens de se qualifier. On connaît le scénario de ce match et ils se mettent dans une grande difficulté qui fait qu'ils sont obligés maintenant de faire un résultat positif contre Manchester City. Alors bon, ils ont gagné là-bas, ils pourront pas jouer sur l'effet de surprise en tout cas cette fois-ci. Pour autant, si Lyon a les moyens d'aller chercher au moins le match nul contre City, je les vois avoir les ressources pour se qualifier. Et puis c'est ce que j'espère parce que faut-il préciser, bon, même si tu dis que le PSG effectivement a raison de nouveau dans la course pour la qualification, mais Lyon peut être aussi très bien le seul club qualifié pour la phase suivante, toute compétition européenne confondue. Donc je vois ton analyse, Alex, mais j'espère pour nous Français que ça se réalisera pas non plus. Ok, et ouais. Dernier avis peut-être de oui, Yacine. Alors moi j'aurais bien mis en temps normal une pièce sur le Shakhtar avec leur calendrier qui est plutôt favorable. Le souci c'est que c'est pour ça que, mais en temps normal, bon là ils vont recevoir Lyon, moi je pense, je vois pas les Lyonnais gagner là-bas, enfin ça se jouera à Kharkiv pardon, mais avec l'état de forme du Shakhtar cette année en Coupe d'Europe, je les vois pas passer. Je pense qu'Offenheim va créer la surprise. Offenheim va pour moi battre le Shakhtar, il va peut-être essayer de tenir le nul face à City et Lyon ne pourra que s'en vouloir d'avoir totalement laissé passer la deuxième mi-temps face à Hoffenheim. Juste une toute petite précision réglementaire, en cas d'égalité de points, Lyon sera devant Hoffenheim puisqu'ils ont marqué 3 buts à Hoffenheim. Ouais, nombre de buts marqués. Voilà. Allez, on va terminer avec les autres sports, Romain, et tu commences par de la Formule 1. Et je commence du coup par de la Formule 1 alors que Max vient de nous rejoindre d'ailleurs. Et le dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix du Brésil à Interlagos, Lewis Hamilton s'est imposé devant Max Verstappen et Kimi Raikkonen, côté de nos Français, incluant Leclerc. Leclerc est d'ailleurs le meilleur du week-end, septième de cette course. Romain Grosjean, attention, je l'ai bien dit cette fois-ci, oui, se classe 8e. Pierre Gasly et Esteban Ocon, plus loin par contre, au 13e et 15e place. À noter quand même sur les infos sur ce Grand Prix que Kimi Raikkonen a récupéré ainsi la 3e place sur le podium du classement des pilotes, qui l'enlève à la Mercedes de Valtteri Bottas. Par contre, Mercedes peut tout à fait se consoler en ayant remporté les deux titres, sachant que, faut-il rappeler, Lewis Hamilton est champion du monde des pilotes et que donc Mercedes remporte le titre constructeur devant les écuries Ferrari et Red Bull, c'est leur 5e couronne. Ok, un autre grand sport, c'est la NBA aussi. La NBA, en bref, cette semaine, avec Toronto et Golden State qui tiennent leur rang et affirment leur statut au sommet des conférences Est et Ouest. Toronto, premier de la conférence Est, avec 12 victoires, 1 défaite portée par Leonard et Ibaka, et Golden State, 11 victoires, 2 défaites avec l'Armada, Steph Curry, Durant, Draymond Green, Klay Thompson. Côté bonne surprise, la forme des équipes de Milwaukee, qui revient avec un bon bilan de son voyage à l'ouest des États-Unis, 2 victoires notamment contre Golden State et Denver, et de Portland, qui s'affirme comme un prétendant à l'ouest, qui a d'ailleurs battu Milwaukee cette semaine avec des joueurs clutch comme CJ McCollum et Damian Lillard. Chez les Français, Tony Parker monte en puissance avec les Charlotte Hornets, actuellement 5e de la conférence Est, et a été auteur cette nuit d'une superbe partie contre Détroit, 24 points en 28 minutes, à 11 sur 18 au tir, dont 2 sur 2 à longue distance, donc belle perf. Et enfin, Rudy Gobert s'est distingué cette semaine lors de la victoire du Jazz de Utah contre les Boston Celtics en réalisant pas moins de 15 rebonds au cours du match et en réalisant un double-double avec 17 points marqués. Un autre grand sport, et notamment Montpellier, c'est du handball. Et notamment Montpellier, mais on reviendra sur Montpellier ensuite. Donc deux autres clubs avec la Ligue des Champions de Hand, que sont donc Paris et Nantes. Le Paris Saint-Germain a réussi une fin de match assez incroyable après être passé à côté de sa première mi-temps et même de quasi l'essentiel du match pour renverser finalement Flensburg 29-28 grâce à un but de Genschenmeier. Samedi donc en Ligue des Champions, le club de la capitale poursuit ainsi son sans faute, sachant qu'ils ont remporté l'ensemble des matchs depuis le début de la saison. Nantes, donc le H mené durant tout le match, obtient quant à lui un précieux point, espérons-le, dans les dernières secondes, 30-30 en Ukraine contre le Motor Zaporozhye, dernier de la poule, mais un point qui pourrait avoir son importance à la fin, sachant qu'avec 7 points, il reste 3ème du groupe B, assez loin pour l'instant, derrière le PSG, premier 14 points. Donc invaincu 7 victoires en 7 matchs et Szeged 12 points. Un sport dont on parle moins cette fois-ci, c'est du karaté. Du karaté, sachant qu'il y avait des championnats du monde et qui ont été une compétition florissante pour un de nos Français. Steven Dacosta a été sacré champion du monde de karaté en moins de 67 kilos à 21 ans en battant en finale le Brésilien Vinicius Figueira 6-5 samedi à Madrid. Une consécration donc prometteuse pour Dacosta à 2 ans des JO 2020 à Tokyo où le karaté s'invitera pour la première fois à la Grande Messe Olympique. Il disputait sa première finale mondiale en senior et il avait également été sacré champion d'Europe cadet en 2012, champion du monde junior en 2013, champion d'Europe junior en 2013 et 2014. Ou encore vice-champion du monde espoir en 2015, vice-champion d'Europe espoir en 2016. Donc du grand avenir pour le karaté français avec Steven Dacosta. Enfin, les filles ont récolté la médaille d'or par équipe lors de ces mondiaux. Donc la France, on peut le dire, a été exemplaire lors de ces championnats du monde en Espagne. Et finalement, c'est de la natation à Abu Dhabi, cette fois-ci en eau libre. En eau libre avec le 10 km qui avait son importance parce qu'il permettait la qualification ou la pré-qualification plutôt pour les mondiaux 2019. Et les Français se sont bien comportés, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, sachant qu'Aurélie Muller se classait 5e de la course dames, Marc-Antoine Olivier, Axel Raymond et Logan Fontaine terminent respectivement dans l'ordre 4e, 9e et 10e chez les messieurs. Et donc ainsi, ces 4 nageurs, je le disais, se qualifient dans la perspective des mondiaux 2019. Très bien Romain, et nous on va passer tout de suite à notre deuxième chronique, c'est les sports montpelliérains. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et le sport montpelliérain, on va faire un petit bilan du week-end avec 2 défaites, 1 match nul et 4 victoires, donc c'est plutôt un bon week-end pour le sport montpelliérain. Et donc on va commencer avec les défaites. Et la défaite des Vipers 5-2 contre les Spartiates de Marseille pour la D1 de hockey. Et la défaite aussi du MHSC, on l'a mis dans les autres scores cette fois-ci. 1-0 à l'extérieur contre Angers. Une défaite qui stoppe une petite série intéressante pour les hommes d'Erzakarian. Le MHSC reste tout de même sur le podium de Ligue 1, la 3ème place. Rien de dramatique. Le match nul de ce week-end, c'est le premier faux pas du MMF Futsal qui a concédé les points à domicile avec un score de 3-0 contre Strasbourg. Montpellier reste tout de même premier avec 4 points d'avance, plutôt correct pour le MMF. Et les victoires, il y en a pas mal ce week-end. Le MWP, donc c'est du water polo, recevait son voisin Sétois pour la 4ème journée de water polo. Donc, et une très grosse victoire, 22-8 pour les Montpellierains. Très belle victoire également du volleyball qui s'est imposé 3-7-2 contre Toulouse à l'extérieur après avoir été mené 2-7-0. Donc belle remontée pour les volleyeurs. A noter que le MCVUC est 3ème du championnat, donc beau début de championnat pour les volleyeurs. Victoire du BLMA, donc des Gazelles 81-66 contre La Rochelle. Le BLMA reste solidement premier du classement. Malheureusement, l'info du week-end n'est pas là. C'est la mise à pied de Rachid Méziane, le coach du BLMA, en raison, selon le club, de faits graves qui lui sont reprochés. Affaire à suivre donc pour les basketteuses. Et dernière chose, on parlait d'e-sport la semaine dernière. Et donc ce week-end à Montpellier s'est réuni 38 streamers à l'initiative du Montpelliérain Zerator qui pourrait récolter des fonds pour Médecins Sans Frontières. Chaque année donc les gamers se mobilisent pour une cause et cette année donc c'était pour Médecins Sans Frontières. Ils ont récolté pas moins de 1,1 million d'euros en 50 heures de streaming. L'e-sport et le monde du gaming n'a décidément pas fini de nous surprendre. Très belle initiative. On va parler des deux autres sports montpelliérains. C'est un petit focus sur le MHR qui va durer un petit peu moins de temps que prévu finalement. Mais surtout qu'il n'y a pas eu de match, mais c'était pour faire un petit point sur ce début de saison du MHR. Un petit point effectivement après 9 matchs. 9 matchs d'ailleurs, le MHR est 9e du championnat. Je pense que ce n'était pas la place que l'on espérait ou qu'on pensait voir pour cette équipe après 9 matchs. Sachant que Montpellier est donc en dehors pour le moment des places qualificatives pour les barrages. Alors qu'on sait que l'année dernière nous avions fait au moins en phase régulière en tout cas une saison assez exemplaire. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il y a déjà 2 défaites à domicile contre Castres en ouverture. Ça me dérange particulièrement d'ailleurs. Ah, et contre le Racing lors du dernier match où les Racingmen nous ont vraiment dominé, j'ai envie de dire, de la tête et des épaules. Et je considère, je ne sais pas quel est votre avis, mais qu'il est compliqué en tout cas de se satisfaire de ce bilan. Et surtout que cette équipe est assez, comment dire, étonnante, mais dans le mauvais sens du terme, sachant qu'elle est capable d'alterner le pire comme le meilleur. Et que dans certains matchs, elle nous a montré de belles choses, qu'on a un effectif assez intéressant, même si vous le direz peut-être, il y a un certain nombre de blessés. Et Montpellier se retrouve pour autant, voilà, un peu dans le ventre mou avec un bilan à l'équilibre de 4 victoires, 1 nul, 4 défaites. Et le bilan est assez similaire en Champions Cup, sachant qu'on a une victoire, une défaite. Oui, c'est ça. Petite réaction peut-être ? C'est pas top. Oh. Merci. Merci. Ouais, des débuts de saison mitigés, mais ils sont pas très loin au classement. C'est poussif. C'est vrai que moi je m'attendais pas à ça par rapport à l'exception. Enfin. Oui, que je peux qualifier d'exceptionnel la saison passée quand même. Donc bon, bah peut-être qu'après les fêtes ils iront mieux. Ok, très bien. On va, oui, peut-être Yassine, une dernière réaction sur le rugby. Après on va passer au round. Oui, bah moi je suis un peu inquiet, oui, parce que bon, je sais bien qu'on a beaucoup de blessés, etc. Mais enfin, j'ai l'impression que toute l'équipe n'a pas la tête dedans. Je ne saurais pas pour quelle raison cette équipe était aussi concernée l'an dernier, ne l'est absolument pas cette année. Toujours est-il qu'après 9 journées, être 9e, c'est absolument pas le rang du MHR normalement. Et en Coupe d'Europe, ça va être compliqué. Donc, je sais pas, ça dépend des titulaires lorsqu'ils rentreront. Est-ce que l'équipe aura peut-être une valeur ajoutée ? Moi, personnellement, j'y crois pas trop parce que l'esprit n'y est absolument pas. Ah, très bien, il s'accroche à la 6ème place. Hein. Ouais. Après. Ouais. Castres le fait très bien. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Et on va finir avec un dernier sport, c'est le MHB. Oui, avec une semaine demi-teinte, on va dire. Une semaine en demi-teinte avec une défaite en Ligue des Champions à Rennes-Écart. Je n'ai plus le score. Mais 37-27, voilà, donc une petite déroute. Et une victoire en championnat à Ivry hier 22-17. Alors en championnat tout va bien pour le MHB qui est à une victoire, parce qu'on peut compter en victoire du Paris Saint-Germain. Est-ce que pour le MHB il faut se désintéresser de la Ligue des Champions? Je vous rappelle que le MHB est à 1 point. Le 6ème est à la 6ème place qui est qualificative est à 4 points. C'est les deux équipes les plus faibles du groupe avec Brest et Brest en Pologne. Et Biélorussie, je crois. Pardon, ouais, l'erreur. Oula, désolé pour les Polonais qui nous écoutent. Et Kristianstad qui est 2 points devant. Alors il faudra les battre en retour, certes, pour espérer une qualification. Mais est-ce qu'il faut jouer à fond cette compétition et ne pas se concentrer sur le championnat? Moi je pense que par rapport à l'histoire du club, tu peux pas bazarder la Ligue des Champions, quoi. Je pense pareil, mais c'est une question. Non, ça c'est. Il y a une petite réaction. Ouais. J'ai envie de dire que la défaite encourageante prendrait peut-être son. sa place ici. C'est ton leitmotiv. Pour le coup, oui, parce que je veux dire, sauver la face en ne se faisant pas sortir par Christian Satt et Mechkov, je signe directement. Se faire sortir en 8ème et puis après tout concentrer sur le championnat pour au final le remporter, imaginons, j'y suis totalement favorable parce que rien ne pourra remplacer les émotions qu'on a vécues l'an dernier en Coupe d'Europe. Et on a un match en retard, il ne faut pas l'oublier. Tu clôturais si bien. Je suis désolé. Parce qu'on a un match en retard en Ligue et on reviendrait, je crois, à un point de Chambéry qui est en tête. Donc, tout est jouable. En effet, Yacine, on va passer à notre première pause musicale avant d'accueillir nos invités. C'est donc Devendra Banhart et le titre Carmel Cheetah. es tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla sh, huele a alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ve nada tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada pero devuelve con si la noche te persigue entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza sobrita de reflejo dame algo tierno me como tu cago el infierno, adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, infiértete de perno, perno, verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne, oh, oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, de retour sur Sport & Chill, c'était rapide ce retour, c'était Daventra Banhart et le titre Carmen Sita. On passe tout de suite à notre jingle interview. Sport & Chill, l'interview. L'interview Chill. Et ce soir, nous recevons trois triathlètes, et non pas des moindres. Je vais faire un peu leur pédigré. Ça va me durer une petite dizaine de minutes, hein, vous inquiétez pas. Donc, Cassandre Beaugrand, triple championne de France 2014, 2017, 2018, médaille de bronze au championnat d'Europe. Surtout médaille d'or à une épreuve de championnat du monde en 2018 à Hambourg, et en mixte et en simple. Ce sera d'ailleurs le son de la semaine à la fin de l'émission. Léonie P. Perriot, donc deuxième en cross-country championnat de France 2018 et quadruple vice-championne de France courte distance en triathlon. Médaille d'or à la Coupe d'Europe en 2016 et a noté une victoire au GP de triathlon de Dunkerque, c'est l'équivalent du championnat de France si je ne me trompe pas exactement. Cette année en 2018, et Pierre Lecor, champion de France et champion d'Europe de triathlon cette année en 2018, et puis des victoires en Coupe du Monde par exemple en 2015 en Colombie ou encore en 2012 en Hongrie. Mais tout surtout, médaille d'or en championnat d'Europe en relais mixte en 2018 à Glasgow. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous ce soir. Merci. Merci. Bonsoir. Je crois que c'est la première fois que l'animateur est peut-être plus stressé que les invités. c'est fort possible. Et un grand plaisir de vous recevoir. Certes, si on n'est pas stade 2, malheureusement, mais c'est un peu plus modeste ici. Ma première question, on a l'air d'être en fin de saison, début de l'hiver. Est-ce qu'il y a des vacances ou pas pour les triathlètes ? Ou pas du tout ? Bah là, on a fini. c'était plutôt vers octobre, ouais, pour tous. Et ça durait environ 2-3 semaines, et un peu plus pour Pierre. Ah, il y a la chance du coup. Effectivement, ouais, j'ai eu une chirurgie, donc oui, ça a duré un peu plus longtemps, 6 semaines pour moi. Et là, je reprends, donc j'étais impatient de reprendre, très content. C'est assez court du coup, on va dire, le temps mort, entre guillemets, d'un triathlète dans l'année. Ouais, c'est assez court, mais parce qu'on n'a pas vraiment le choix, sinon on perd toutes nos capacités, ouais, qu'on travaille toute l'année, et après, une fois qu'on est un peu en dehors des terrains, c'est dur de reprendre, et les blessures, elles arrivent beaucoup plus rapidement si on est éloigné de nos terrains d'entraînement. Parce que je pense par exemple juste à l'une de vos disciplines, en cyclisme sur route, c'est vrai qu'il coupe à partir de maintenant, même depuis maintenant presque un mois, jusqu'à janvier. Donc c'est vrai que ça fait une coupure beaucoup plus importante que pour des triathlètes. Donc, d'autant plus vu la difficulté du sport que vous pratiquez. Oui, effectivement, bah on a trois sports, donc il faut pouvoir... Faites compétence sur les trois, en effet. Voilà. on va commencer peut-être en première partie sur la discipline donc du triathlon pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant de ce sport qui devient de plus en plus médiatisé, il faut le dire du coup. Pouvez-vous un peu nous parler des distances en triathlon ? Est-ce qu'il y a plusieurs distances dans le triathlon ? Il y a des... cours de distance, j'ai vu qu'il y a des championnats de courte distance, si je ne me trompe pas, petite distance. Oui, donc c'est vrai que le triathlon, il y a pas mal de distances. Ça commence par la distance, donc c'est 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km à pied. Donc ça, c'est la distance XS. Après, il y a le S qui est le double, donc c'est 800, 20 et 5. Mmh. Et nous, c'est la distance M, donc qui est la distance qui est au jeu, donc la distance olympique. Donc, il y a encore le double. Donc, c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. Et après, il y a encore le L, qui est c'est 3 km de natation, il me semble, 90 de vélo et un semi. Et après, il y a encore le XL, qui est l'Ironman. Et ouais, là, c'est 3 km 6, 180 en vélo et c'est un marathon à pied. Bon, en fait, le XS pour nous chroniqueurs, c'est un peu notre XL à nous. Hein. Voilà, clairement. Au niveau de la compétition, alors, j'ai vu sur internet, je me suis renseigné entre les championnats du monde et la Coupe du monde, il y a une différence. J'ai vu qu'il y avait deux compétitions différentes. Ouais, il y a deux compétitions différentes, mais c'est un peu compliqué à comprendre les triathlons parce qu'il y a énormément d'épreuves. Comme a pu le dire Léonie, même nous on s'y perd. Distance, ouais. Donc pour simplifier, il y a deux circuits, le circuit Ironman et le circuit courte distance que nous on fait pour les Jeux Olympiques. Et donc sur ce circuit là, il y a un circuit Coupe d'Europe, Coupe du Monde et circuit Championnat du Monde. Donc voilà, je les ai dit dans l'ordre, on va dire, croissant. Et donc le plus haut niveau, c'est le circuit Championnat du Monde, WTS, où dans l'année, il y a 8 étapes qui désignent à la fin le vainqueur qui est champion du monde. D'accord. C'est un peu comme la Formule 1, par exemple. Ok. Et au niveau des courses dans le triathlon, est-ce que le tracé, on va dire ça comme ça, est à la charge des organisateurs ? C'est-à-dire ils peuvent mettre une montée, peuvent mettre quelque chose de plat, ou est-ce que il y a des standards à avoir dans le triathlon ? Ah oui, non, clairement, maintenant, c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est des circuits hyper techniques, hyper durs. Donc, s'ils trouvent une bosse dans le coin, ils vont la mettre, ça c'est sûr. Nous, sur le circuit championnat du monde, on a des circuits qui, d'année en année, se compliquent et sont très durs à vélo, notamment. Voilà, avec des relances, des U-turns, des 180 degrés. Donc, pour que ça soit télégénique et que ça puisse passer à la télé, qu'il y ait des rebondissements, des chutes, voilà. Ah oui, donc c'est aux organisateurs de faire un peu leur tracé du coup. Bien pour le public, pas toujours pour les triathlètes. Oui, en effet. Même pour le cyclisme, tu en parlais tout à l'heure. Ça met un peu de piment à la course, on va dire. Ouais. Pour les questions un peu plus précises, au niveau des entraînements, pour vous par exemple, est-ce que le rythme de l'entraînement en hiver est peut-être le même que le rythme en été ou dans d'autres saisons? Ou c'est tout le temps le même rythme? Non, justement, on a tendance à plus charger l'hiver parce qu'on n'a pas de course et du coup, c'est souvent la plus grosse période de charge. Et après, on ralentit un peu souvent à l'approche des courses l'été. D'accord, pourtant c'est assez paradoxal. C'est vrai qu'on a moins envie de s'entraîner l'hiver ou au contraire? Ça va encore sur Montpellier. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le Pôle France qui est au Krebs à Montpellier pour bénéficier des bonnes conditions climatiques. En effet, c'est pas le... Comment on appelle ça, l'Ironman dans le Nord, tu disais Guillaume? Le Northman, non. En effet. C'est pas les conditions des Britanniques. Ouais. Non, mais ça renforce aussi d'un autre côté. Ouais. Quelles sont les qualités physiques, voire mentales d'un bon triathlète, on va dire? Il faut être très fort mentalement, je pense que ça demande beaucoup d'entraînement. Et en course, c'est vrai que c'est quasiment 2 heures d'effort pour les filles et 1h50 pour les garçons. Et c'est quasiment tout à fond, il faut, il faut se le dire. Et du coup, c'est vrai que la tête joue beaucoup. Pour moi, ça joue peut-être plus que le physique. Pour moi, c'est... On va dire 70% de la tête et 30% de physique, parce que si la tête ne suit pas, le physique ne suit pas, tout simplement. D'accord. Ah oui, en effet, je croyais que c'était un petit peu moins, mais c'est vrai que le mental joue beaucoup dans le triathlon. Guillaume, tu as peut-être une petite question sur l'entraînement. Oui, justement, on parlait de l'entraînement et vous avez 3 sports. Et est-ce que vous travaillez avec les structures des sports individuels? Par exemple, est-ce que vous travaillez avec les entraîneurs des demi-fondeurs ou est-ce que vous travaillez avec les entraîneurs des cyclistes, ou c'est vraiment... à part. Voilà. Ouais, alors moi je suis un peu, c'est un peu particulier par rapport aux filles qui elles s'entraînent au Pôle France. Moi je me suis entraîné pendant de nombreuses années, mais maintenant j'ai choisi une autre voie qui est celle-là dont je m'entraîne au Manuc, donc le Montpellier Natation avec Frédéric Delcourt. Et après en course à pied, en vélo, je m'entraîne de mon côté, c'est moi qui fais mes plans d'entraînement. Après, je peux partager les entraînements avec certains cyclistes, etc. Mais j'ai déstructuré, on va dire, mon entraînement comme ça, ouais. Une question peut-être sur le mental, je reviens un peu là-dessus. Est-ce que vous avez des préparateurs mentaux, justement, dans le triathlon, par rapport, comme dans les autres sports, certains autres sports, ou c'est que des préparateurs physiques et aussi qui jouent ce rôle mental? Ça, c'est vraiment personnel. Enfin, on va dire que quand on en a le besoin... On va dire, mais qu'on s'oriente donc vers un préparateur mental. Et moi personnellement, mais j'en ai une, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est vraiment personnel, si on en ressent le besoin. Si, parce qu'il y a la fédération qui nous met ça en place, et donc voilà. Et sur une autre question peut-être épineuse, on a reçu il y a quelques semaines des intervenants sur la diététique sportive. On sait que la nutrition c'est important dans le sport. Est-ce que c'est pas le plus c'est pas le plus gros peut-être pas problème, mais la plus grosse difficulté d'un triathlète? Peut-être Cassandre qui voulait répondre. Je sens que Pierre voulait que Cassandre réponde. Non, mais c'est vrai que c'est important. Après, on fait quand même, je pense, pas mal d'écart, parce que c'est vrai qu'on élimine pas mal et tout. Donc, c'est juste par rapport à tenir les entraînements, il faut quand même manger en conséquence. Et ouais, je pense. Est-ce qu'il y a des interdits? Oui, il est censé y avoir des interdits, mais après, on profite aussi un peu quand même. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que pour les deux aussi, c'est pareil. Donc ça va au McDo, d'accord, très bien. C'est comme ça a été. On va résumer ça comme ça. De moins en moins. Oui, Romain, tu as une question, pas sur la nutrition, mais sur un peu plus le financement. Oui. On change de domaine. On sait que, comme tous les sports, le triathlon essaye de faire tout ce qu'il peut pour pouvoir bien fonctionner et avoir des financements. Je pense notamment de tout ce qui est sponsor. Et une question assez simple, finalement. Est-ce que en France ou dans notre pays à l'international, on peut vivre du triathlon? Et surtout, comment ça fonctionne? Est-ce que justement vous avez des contrats de sponsoring avec certaines marques en particulier? La Fédé peut-être? La fédération qui aide? Quels sont les types de financement pour le triathlon? Ouais, alors pour les sponsors, c'est un peu particulier parce que le triathlon, effectivement, il n'y a pas de syndicat d'athlètes, etc. Donc c'est un peu décousu. Là, on est principalement aidé par nos clubs. respectifs, donc qui nous aident grandement. Après, on peut avoir la chance d'avoir un CIP. Cassan et moi, on est par exemple à l'armée, donc on a un contrat qui permet de nous aider tout au long de l'année et de cotiser notamment pour la retraite, parce que en tant que sportif de niveau, il n'y a pas vraiment de choses là-dessus, si ce n'est voilà des petites aides, mais c'est petit. Et après, on peut chercher des sponsors personnels, donc voilà, Cassandre et moi on est Adidas, Léonie elle est Nike, donc, et puis après on essaie de trouver des sponsors qui puissent nous aider à financer nos préparations, etc. Mais après on est bien suivi par la fédération également, qui nous aide énormément pour les déplacements, pour les stages. Mais pour bien en vivre, il faut, on va dire, je dirais, il faut être dans le top 15 mondial, sinon là ça c'est un peu difficile. Et du coup, c'est une question de classement, ou est-ce qu'il y a aussi des pays qui sont plus ou moins en pointe dans l'aide, finalement, dans le financement au triathlon, que ce soit fédération, club, justement? Non, clairement, je pense que c'est les pays. Hein. En France, on est très bien lotis. Dans certains pays, c'est un peu plus difficile parce qu'ils n'ont pas accès au CIP, ou les clubs ne les aident moins qu'en France. Donc nous, on est pas mal lotis, ouais. Peut-être passer à une deuxième thématique sur le développement du triathlon, peut-être le triathlon à l'avenir. Tu voulais peut-être poser les nouvelles disciplines. Oui, une question sur les nouvelles disciplines du triathlon. C'est lié à la médiatisation qu'on voit croissante autour du triathlon, avec notamment une chaîne sur laquelle on peut voir de plus en plus de triathlon. Tu peux la citer. Hein, la chaîne L'Équipe. Pas de concurrence avec eux, je pense pas. Non, je pense qu'on n'est pas vraiment en concurrence. Et donc oui, on a pu voir dans le cadre de la Super League de triathlon à laquelle vous avez participé, des nouvelles disciplines, là plutôt encore beaucoup plus courtes que les formats que Léonie avait présentés plus tôt. Je pense à l'enduro, au triple mix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces disciplines, et justement qu'est-ce que vous avez pensé de la découverte de ce type d'épreuve? Alors en fait, ouais, c'est vrai que c'est un peu une discipline, je dirais, enfin, le triathlon un peu revisité. Et ouais, je trouve que c'était une bonne façon de travailler aussi, parce que c'est vraiment super court et ça se rapproche un peu, je dirais, du temps d'effort pour les relais. Donc c'était une bonne étape pour travailler et une bonne course, quoi. Et moi, je pense à tout l'inverse, du coup. Si tu voulais réagir. Non, ouais. Non, parce que je disais, parce que c'était court, mais après, c'est quand même un effort d'une heure. Notamment l'enduro, parce que c'est trois petits triathlons qui s'enchaînent, mais le total fait une heure, donc c'est équivalent à un sprint. Et c'est vrai que le fait de replonger, surtout, je trouve, mais après un effort, on n'était pas du tout donc habitué à ça, donc ça a vraiment été compliqué, mais c'est vraiment une très belle expérience, et je pense que dans l'avenir il y en aura de plus en plus, ouais. C'est un autre type d'effort, l'enduro par exemple? Oui, parce que, après, on va dire non, parce que ça reste du triathlon, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude donc d'enchaîner dans ce sens-là, parce que c'est notamment sur, moi personnellement, j'ai trouvé vraiment compliqué donc de renager, mais après une course à pied, j'ai trouvé ça vraiment dur. Surtout que l'eau était assez fraîche, elle était mais à 18, et donc sans combi, et de replonger, mais après un effort. C'était intense. C'est pas un vrai plaisir dans ce coup-là. Non. Ce qui rajoute des étapes au calendrier aussi. Ouais. Du coup, ça rajoute 4 étapes, mais après, ça c'est vraiment donc un choix, c'est pas du tout imposé, et ça compte pas pour le classement mondial. Donc, ça, parce que la Super League, donc, c'est par invitation. Et du coup, ça rajoute 4 étapes si on va jusqu'au bout à la grande finale à Singapour au mois de février. Ça vous rajoute peut-être des financements aussi, oui, c'est plutôt intéressant. Ouais. Du coup, moi je parle de l'inverse, c'est-à-dire l'Ironman. On a vu un grand champion du triathlon, je pense que je ne me trompe pas en citant Alistair Brownlee, c'est bien le prénom. Exactement. Je le prononce bien. Champion olympique qui concourt maintenant sur les Ironman. Est-ce que les Ironman, c'est la finalité d'un triathlète? Je pense que ça peut être dans la continuité. Après, c'est pas forcément la finalité, parce qu'il y a beaucoup de triathlètes qui s'arrêtent après leur carrière en distance olympique, parce que c'est une très belle carrière et que les financements sont pas les mêmes. C'est un autre type d'épreuve. Après, il y en a beaucoup qui aiment s'orienter là-dedans, parce que c'est quand même complètement différent et que malgré tout, ça reste du triathlon. Donc, Alistair Brownlee en est la preuve, comme Javier Gomez. C'est votre cas aussi, je pense, d'après ce que j'en avais entendu. Ouais, pour l'instant non, mais c'est vrai que j'aimerais en faire. Ça peut m'intéresser. Je pense que je pourrais me faire plaisir sur 2-3 années en Ironman, mais pour le moment, c'est pas vraiment le sujet. Après, en voyant les résultats des anciens sur les distances olympiques qui sont passés sur Ironman, c'est plutôt, on va dire, c'est intéressant de vouloir enchaîner ces deux types d'épreuves. D'accord. Sur là, justement, une discipline qui est un peu plus familière, c'est les Jeux Olympiques. Romain, tu voulais poser une question là-dessus aussi. Oui, c'est les Jeux Olympiques. Donc, on a vu que, comment dire, que le triathlon est devenu olympique depuis 2000, je crois, les JO de Sydney. Et finalement, qu'est-ce que, de votre point de vue, le fait de devenir olympique a pu apporter à la discipline? Et puis, la seconde question, c'est est-ce que pour vous, du coup, un titre olympique, c'est ce qu'il y a de plus haut maintenant comme distinction en triathlon? Bah, ça rapporte clairement des finances, on ne va pas se le cacher. Et même donc, au niveau de la fédération, quand on devient donc, un sport qui est olympique, ils ont beaucoup plus donc de moyens par le CNO, donc par le comité donc, olympique français, par le CNOSF, pardon. Et là, en plus, depuis peu, donc je ne sais plus quand on l'a appris, mais il y a les relais qui sont rentrés en jeu pour 2020. Et c'est vrai que la France, ils sont toujours à la recherche de leur première médaille olympique. Parce que le meilleur résultat, c'est une quatrième place à Londres de Davidos. Et du coup, en étant champion d'Europe et champion du monde cette année sur relais, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur d'aller chercher cette médaille à Tokyo. Oui. On peut parler de la reconversion et peut-être de la reconversion d'autres sportifs qui arrivent dans le triathlon. Tu avais une question, Alex, dessus? Ouais. Oui, en fait, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est facile de se reconvertir pour un sportif? Je pense notamment, par exemple, on a Lance Armstrong et Laurent Jalabert qui sont des anciens cyclistes professionnels qui font aujourd'hui des triathlons. Est-ce que vous pensez que c'est faisable pour un sportif, même par exemple, qui serait, un cycliste de 25 ans professionnel, s'il décidait de se mettre au triathlon? Vous pensez que c'est faisable en sachant qu'il est très performant dans une discipline en particulier? Après, c'est assez difficile, je pense, honnêtement, parce que le plus difficile, c'est la natation. Quand on n'a pas forcément les bases, c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Après, pourquoi pas se faire plaisir en triathlon. On conseille souvent aux jeunes triathlètes de commencer par la natation, parce que c'est oui, vrai. C'est vraiment le cas, parce qu'au final, c'est là. On peut perdre un triathlon à cause de la natation, parce que si on ne sort pas dans le groupe de tête, parce que nous, c'est avec drafting, nos distances. Donc quand on loupe le groupe de tête, c'est quand même compliqué de revenir. Puis mentalement, ça fait peut-être mal. C'est plus compliqué aussi. Ouais. Mais après, concernant les cyclistes, comme vous les citez, je pense que sur du longue distance, ça leur correspond mieux. Notamment, Jalabert et Armstrong, parce que c'est vrai que sur Ironman, c'est 180 km. Oui. Contrairement à, parce que la natation, c'est à peine 3,6 km, ils font ça en une heure. J'ai plus les chronos en tête, mais c'est une heure. Alors que le vélo, 180 km, c'est, je sais pas exactement les temps, mais environ 4 heures. Oui. Du coup, ils peuvent rattraper beaucoup plus de personnes. Et c'est le cas de Jalabert, qui est un très bon rouleur et coureur. Et qui peine un peu plus dans l'eau, mais sur du long, c'est pas gênant. Et qui a participé, par exemple, cette année à l'Ironman d'Hawaï. Oui, il y a eu le reportage sur Stade 2. Ouais, d'ailleurs. J'y pensais même pas, mais oui. Dans le top 10 féminin, on retrouve beaucoup de triathlètes anglophones, donc la championne du monde britannique Vicky Holland, puis des Américaines, une Australienne. Où en est la France, du coup, dans ce classement ou dans le monde du triathlon? Est-ce qu'on est en nette progression? Bientôt. Ça arrive. C'est vrai qu'on a eu plus de mal chez les féminines, mais là, ça commence à arriver. Ouais. Et puis, on espère faire des tout performances aussi bien, qui arrivent. Ouais. Cette année, on termine 421e, c'est ça? Je sais plus. Ouais, 21e, dans ces eaux-là. Et moi, je termine 16e, ouais. Alors qu'il nous manque beaucoup de courses. Ouais. Enfin, on n'en a fait que 4. Cassandre encore moins, alors que c'est 6 courses qui comptent, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais. C'est ça, c'est 6 courses qui comptent, donc c'est vrai qu'en terminant 16e et 21e en ayant des courses en moins, je pense que c'est encourageant pour la suite. Et au niveau de chez les hommes, du coup, il y a Vincent Louis, 2e au championnat du monde, il y a vous, Pierre Lecor, qui est 8e, si je me trompe pas. Où en est-on chez les hommes? Chez les hommes, c'est un peu différent. Effectivement, on a une petite longueur d'avance sur les femmes, quelques années d'avance, mais je pense que ça va vite s'estomper parce qu'elles arrivent en force et ça fait plaisir parce que c'est important pour le relais également d'avoir des féminines compétitives. Mais chez les hommes, il y a toujours une très bonne densité depuis plusieurs années, depuis les années 2000, on va dire. Mmh. Même avant, je sais pas, j'ai pas l'historique, mais maintenant, avec Vincent Louise, Dorian Coninx, Léo Bergère, on peut être on va dire 4 dans le top 15 mondial. Donc c'est une très forte densité. Et ça nous pousse également, quand on voit Vincent qui termine deuxième, voilà, ça pousse l'équipe de France à aller au-delà de ce qu'on peut faire. Et c'est une très bonne émulation. On a déjà vu ses performances avec déjà des médailles d'or. Donc, pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal, en effet. Ouais, ouais. Et c'est vrai que l'année 2018 a été des deux côtés, d'ailleurs, ouais, pour justement montrer la bonne dynamique. Une année forte pour le triathlon français, qui a été, je pense, un des sports mis en valeur aussi parce qu'il y a eu une médiatisation plus importante. Et que ce soit les championnats du monde, les championnats d'Europe, ou sur le circuit Coupe du Monde, effectivement, Vincent Louis qui allait chercher la dernière manche à Coupe du Monde et qui performe bien aussi sur la Super Ligue de triathlon. Je pense qu'il y a de l'avenir. Tu es chroniqueur chez l'équipe 21 ou quand ah, non, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Je constate les bons résultats. D'ailleurs, il y a des choses dont j'ai parlé qui étaient sur France Télévisions, je te rappelle. Au niveau, justement, on parlait des hommes et des femmes, la parité homme-femme. On note notamment en natation, où c'est un sport où il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est le même cas chez les triathlètes ou encore il y a un grand écart, on va dire, au niveau des hommes? Bah, je dirais qu'au niveau des licenciés, il y a un peu moins de femmes. Oui. Je dirais, enfin, je pense que c'est à peu près dans les 25%, oui, de femmes en France. Par contre, au niveau parité dans les épreuves de haut niveau, oui, maintenant c'est olympique. Les femmes ont les mêmes grilles de prix, tout est à égale mesure, donc ça c'est bien pour le triathlon. Ils sont assez en avance sur tous ces sujets-là un peu. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est bien pour les femmes. Ok, on va passer à la troisième partie, un peu plus personnelle, personnelle entre guillemets. On va passer au révélateur, hein, c'est pas vrai. Peut-être on va commencer avec Cassandre, justement. Vous avez fait du cross-country, où vous remportez deux fois le titre de championne de France en cadette et en junior. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette discipline, dire un peu ce que c'est le cross-country? Bah, c'est un peu, je dirais, pour le demi-fond français, enfin pas pour le demi-fond français, mais pour le demi-fond en général. Mmh. L'hiver, c'est un peu l'endroit où on passe pour le cross-country. Mmh. Et ouais, c'est plutôt sympathique comme épreuve. Ouais. Guillaume, tu as peut-être une réaction sur ça. Ouais, c'est une question pour tout le monde. Comment on vient au triathlon, en fait? Est-ce qu'on est bon dans un sport et qu'on se dit j'aimerais bien faire autre chose? Ou parce que là, elle parle du cross-country, il n'y a rien à voir avec la natation, ni le vélo. La course à pied. Ouais, la course voilà. À pied. Un sur trois. Oui, donc voilà, est-ce que... Comment on y vient, quoi. Bah, comment on y vient? Bah, la plupart des triathlètes viennent de la natation. C'est des nageurs qui en ont eu marre, on va dire, de compter les carreaux. C'est la plupart, voilà, c'est le cas de la plupart des athlètes. Après, il y en a certains qui viennent du triathlon, tout simplement, parce qu'ils ont une famille de triathlètes, ou également des cyclistes. Mais alors, eux, ils s'orientent plus sur la distance Ironman, comme le disait Léonie tout à l'heure. Et très peu de coureurs à pied. C'est parce que, comme disait Cassandre également tout à l'heure, c'est très difficile de faire du triathlon si on sait pas nager ou si on est mauvais nageur. Il faut des triathlètes qui aient au moins des références en natation avant pour pouvoir s'en sortir. Donc on vient plutôt de la natation, je dirais, ou du triathlon. Et puis après, on a l'habitude également de faire beaucoup d'épreuves pour se tester l'hiver, comme le cross-country ou des compétitions de natation comme les interclubs ce week-end, ou encore quelques courses vélo, parce que c'est un sport qui est en croissance au niveau des licenciés, au niveau de la médiatisation et également au niveau de la performance. Et ça demande d'être très performant dans les trois disciplines aujourd'hui. Il n'y a plus de points faibles. Et c'est important du coup d'élever son niveau en étant en concurrence avec des spécialistes de chaque discipline. Et voilà, les cross-country l'hiver, comme le championnat de France, où les filles ont vraiment... faites des très belles choses dans l'an passé, ça leur permet de prendre confiance et puis de voir où elles en sont dans l'hiver et puis voilà, quand elles arrivent sur un triathlon, de pouvoir faire concurrence aux Anglaises notamment qui sont de très bonnes coureuses. Du coup, j'en reviens à Cassandre. Je suis désolé de revenir. Qu'est-ce qui t'a amené justement à faire du coup du triathlon après le cross-country? Parce que j'ai vu que tu avais commencé peut-être avec le cross-country un peu plus. Et... Ouais, en fait, c'est vrai que moi, à la base, j'étais plutôt nageuse-coureuse. Mm-hmm. J'ai commencé par la natation, je dirais. Et à côté, en parallèle, je faisais aussi un peu de course à pied. Et ouais, je me suis dit que c'était le bon moyen de pouvoir faire les deux. Mais il est un peu tout. Hein. Trois fois championne de France, bronze médaille au championnat du monde, un palmarès déjà important pour une jeune triathlète. Vous avez 21 ans. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, j'alterne entre vous et tu remarqueras tout à l'heure, je ne sais pas où me placer. Tu sais très bien. Quel est votre meilleur souvenir pour le moment? Je pense que c'est quand même les relais parce que c'est souvent là où on partage le plus d'émotions ensemble. Oui. Donc en 2018, une grande émotion, je suppose. Ouais, c'est vrai qu'on a réussi pas mal de nos relais, donc c'était vraiment sympa. Et quel est l'objectif donc en 2019? Bah, ce serait pareil de remporter les championnats d'Europe et du monde en relais mixte pour continuer sur notre lancée et avoir des chances aussi pour les Jeux de 2020. Donc oui, des grands objectifs, surtout à 21 ans. Léonie, vous avez fait également du cross-country, encore actuellement, en 2018. Est-ce que c'est facile de jongler entre les deux, même si l'un s'emboîte dans l'autre, mais est-ce que c'est facile de jongler entre le cross-country et le triathlon? Oui, ou est-ce que c'est un entraînement, on va dire, le cross-country? Oui, en fait, moi, personnellement, je le prends vraiment comme un entraînement. Je ne le prépare pas spécifiquement. Et c'est vrai que l'hiver, c'est une période donc, assez creuse pour le triathlon, parce que ça reprend que début mars avec la WTS d'Abu Dhabi. Donc, c'est vrai que ça permet de mettre un dossard et de faire un peu de compétition, parce que moi, je sais que ça me manque l'hiver. Donc, ça permet aussi de faire des bonnes séances et d'aller un peu donc, titiller les meilleurs de la nation, donc c'est plutôt agréable. Deuxième, en effet, c'est plutôt un entraînement facile, du coup. Facile, non, parce que rien n'est facile. Mais c'est vrai que cette année, j'ai vraiment été performante et je ne m'attendais vraiment pas à faire un tel résultat. Ça peut agacer ceux qui performent toute l'année que sur le cross-country. Vous êtes tous les deux à Poissy, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous avez vu réagir tout à l'heure sur ce club. Comment ça se passe au niveau de ça? Vous vous entraînez ici à Montpellier, pourtant vous êtes dans un autre club. C'est une spécificité de ce sport, peut-être? En fait, c'est qu'on vient de la région parisienne toutes les deux, donc on est originaire de là-bas. Et ça fait déjà quelques années. Moi, c'est ma cinquième année à Poissy, il me semble. Ouais. Et du coup, en fait, la plupart des triathlètes français, ils ont des clubs, sauf Pierre qui est sur Montpellier, qui s'entraîne sur Montpellier, mais c'est quasiment le seul, parce qu'au final, on a tous donc un club, mais on est tous mis sur des structures donc individuelles ailleurs. Surtout Poissy. Poissy déjà, c'est la région parisienne, pour y avoir donc vécu 20 ans. Je me suis entraînée à Poissy pendant 2 ans, mais j'ai fait le choix de garder, de rejoindre le sud. Et c'était beaucoup mieux, rien que pour le groupe, parce qu'il y avait Stéphanie donc Deanaz qui est notre coach avec Cassandre, qui m'entraînait donc à distance sur Poissy. Et c'était tout était plus simple de descendre sur Montpellier, parce qu'il y avait une structure, il y avait un groupe notamment donc avec Émilie Morier, Sandra Daudet. Oui. Et du coup, c'est vrai que la vie est plus simple ici. Donc j'ai fait le choix de déménager à Montpellier. Au niveau du... Il y a peut-être une épreuve ou une course qui vous a plus marqué que d'autres depuis le début. Vous avez 24 ans, si je me trompe pas. J'ai 24 ans. Ça va être comme Cassandre, c'est vraiment les relais, parce qu'on partage ça à 4. Et du coup, c'était vraiment des grosses émotions. Surtout qu'on a, on a été donc assez performante, tout en restant modeste. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa de partager ça à 4, voire même plus, parce qu'il y a aussi deux remplaçants sur chaque course, plus tous les encadrants qui sont là, donc c'est vraiment sympa. C'est une belle émotion. Il y avait deux équipes différentes, par exemple, entre les championnats du monde et championnats d'Europe. C'était prévu d'ailleurs à l'avance, si je puis dire, ou c'est sur le moment, au moment où il y a des relais qui sont programmés, il y a une discussion en fonction des disponibilités, en fonction des performances actuelles? Là, pour le relais, effectivement, des championnats d'Europe et des championnats du monde, il y avait juste Vincent et moi qui ont échangé les places, parce que Vincent n'était pas présent. Normalement, c'est vrai que cette année, on a essayé de faire un turnover pour essayer différents relais en vue des Jeux Olympiques. Dans le futur, je ne sais pas comment ça sera, on verra, mais en tous les cas, on essaie de prendre les athlètes les plus performants parce qu'il faut qualifier le relais aux Jeux Olympiques. Il faut être dans les 7 meilleures nations, et donc c'est pour ça qu'on essaie quand même de mettre un relais compétitif sur les courses. Et puis après voilà, Léonie et Cassandre qui sont aujourd'hui titulaires on va dire du relais sans discussion. Après il y a d'autres jeunes filles qui arrivent et qui espèrent qu'une chose c'est de les détrôner, donc il faut garder sa place dans le relais mais c'est sain et donc ça crée de l'émulation aussi. Effectivement, et puis ça permet d'avoir des relais très, très compétitif, d'avoir plusieurs remplaçants de très haute qualité. Ouais. Et tu parlais d'être dans les 7 premières nations. Il y a un calendrier spécifique du coup aux qualifications olympiques, tant pour le relais qu'en individuel, pour les JO 2020 à Tokyo. Alors oui, il y a un programme qui est fait, qui a commencé au mois de mai et qui finira début 2020. Donc c'est, on va dire, c'est la période olympique de qualification où il y a un nombre d'épreuves de relais et un nombre d'épreuves individuelles où il faut marquer des points et à la fin de cette période-là être au minimum classé dans les 7 meilleures nations avec un calcul de points différent. Et c'est le même cas pour les individuels. Et après, à côté de ça, donc ça c'est l'ITU, le triathlon international, qui met ça en place. Et après, il y a la fédération qui, elle, met des quotas pour sélectionner les athlètes qui participeront aux épreuves. On va finir justement avec vous, Pierre. Donc, on vous avait reçu il y a 2 ans dans Sport & Chill, en 2016. C'était un peu l'année, on va dire, presque la confirmation pour vous. 8e et premier français aux séries mondiales, grâce notamment à votre 3e place lors de l'étape de Stockholm, puis votre participation aux Jeux de Rio. Quel est votre objectif à présent, en 2018? Voire en 2019, du coup. Ouais, alors mon objectif aujourd'hui, c'est clairement les Jeux Olympiques, c'est de nous qualifier aux Jeux Olympiques. Il y a un critère de sélection qui est le classement mondial, donc il n'est pas défini, mais clairement ça sera de me rapprocher du podium tant que je peux. C'est vrai que ça fait 4 saisons que je suis dans le top 10 mondial et sans vraiment le jouer au final. Donc là, cette année, peut-être m'y employer pleinement et essayer d'être performant sur toutes les épreuves. Mais c'est à voir selon les critères de sélection, parce que la priorité restera les Jeux Olympiques et me qualifier à ces épreuves-là. Né en Bretagne, donc départ pour les États-Unis en 2006, retour en France en 2009, puis départ vers Montpellier. Pourquoi Montpellier justement? Parce que c'est le Krebs qui vous ravit à ce point-là? Ouais, c'est ça en fait, c'est que y a la structure qui est rattachée au Pôle France à Montpellier. Donc moi, lorsque j'avais fait ma demande d'intégrer un pôle, il y a 2 pôles en France, c'est soit Bouloré, soit Montpellier. Et au vu des études que je voulais faire, on m'a conseillé d'aller à Montpellier parce qu'il y avait le Pôle France. Et puis au final, j'ai tellement aimé la ville et les conditions d'entraînement au Krebs que voilà, j'ai pas envie d'y bouger, quoi. Oui, on le comprend. Et enfin, dernière question, votre premier titre européen, c'est cette année, donc le 10 août 2018. Quel a été votre sentiment après ce titre? Quelle est l'émotion première qui vous est venue tout de suite? J'ai eu beaucoup d'émotions parce que c'était mon premier titre, surtout en courte distance. L'année précédente, j'avais fait 2e, mais sur sprint. Donc c'est un peu moins coté, on va dire. Là, il y avait une double satisfaction, c'est qu'il y avait toute ma famille et mes amis qui regardaient, puisque c'était très très bien médiatisé. Mmh. Normalement, nous, on a beaucoup moins médiatisé. Tous les ans, on a un championnat d'Europe qui ne passe pas à la télé. Et donc, du coup, la résonance médiatique fait que personne ne suit. Même, pourtant, c'était télévisuel. Ouais. Télégénique, pardon. C'est ça. Et du coup, c'était vraiment parce qu'il y avait un format de jeu européen et qui sera présent tous les 4 ans. Mais comme j'avais raté les Jeux Olympiques, je voulais devant tous mes amis et mes amis, là, je me suis dit, bon, ils me regardent une deuxième fois, il va pas falloir que je me rate. Et pour ça, j'étais vraiment très heureux de pouvoir remporter cette médaille d'or. Et surtout, notamment, le lendemain avec le relais et les filles présentes. Tu avais du coup cet espoir, c'est facile de parler maintenant peut-être, mais avant la compétition, où tu te disais déjà, si je fais une place sur le podium, c'est un beau résultat? Je me suis dit, j'y croyais quand même, parce que quand on prend le départ, on a envie de gagner. Quand j'ai vu, donc du coup, j'étais pas présent sur le relais au championnat du monde. Et pour vous dire que avoir des bons résultats dans l'équipe de France, c'est important, c'est que lorsque je les ai vus gagner le titre de champion du monde par relais, je me suis dit, à la fin de saison, il va falloir que je fasse quelque chose de bien également, parce que ça me donnait envie d'être sur la plus haute marge du podium également. Et du coup, je suis parti en stage et j'avais qu'une idée en tête, c'était décrocher une médaille au moins sur les championnats d'Europe et faire la meilleure fin de saison possible. Donc de pouvoir le réaliser, c'était fantastique. Et voilà, c'est également dû au résultat des équipes de France qui portent au final tous les individus au plus haut. Ouais. Petite question de conclusion, peut-être Léonie, si vous voulez répondre, peut-être quelques secondes pour convaincre les personnes qui souhaiteraient commencer du triathlon. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux personnes qui hésitent à commencer cette discipline ? Déjà, c'est trois sports, donc c'est vrai que ça, c'est très avantageux. Parce que dès qu'on se lasse d'une discipline, par exemple, on a toujours deux disciplines sur lesquelles se rabattre. Mmh. Et c'est un sport donc, d'extérieur aussi. Donc ça, moi, je sais, j'ai commencé par la natation. Et le fait d'être enfermé dans une piscine, ça me déplaisait. Donc là, on est dehors... On est tout le temps dehors, sauf à la piscine, mais là non, parce qu'on a donc un Neptune qui est aussi donc un bassin extérieur. Mmh. Et après, c'est un sport très ludique quand même, très ouvert dans le sens, nous on a cet avantage, même les élites, on est quand même très proche des amateurs tout niveau, ce que sur certaines courses dans la région ou autres qu'on peut faire, on est tous mélangés. Donc c'est vrai que ça peut être donc un avantage par rapport à d'autres disciplines où il y a vraiment plus ce côté pro. Que nous n'a pas forcément. Et ensuite, c'est un super sport. Donc voilà, ceux qui hésitaient ou ceux qui veulent faites se mettre triathlon. À un des trois sports ou aux trois sports, donc au triathlon. Je sais que le premier animateur de Sport & Chill était intéressé par le triathlon et s'était mis au cyclisme avec moi. Donc il ne manque plus qu'à pratiquer les deux autres disciplines et les trois pour nous tous. Voilà. Moi, c'est plus compliqué déjà. mais si, il faut y croire. Donc merci infiniment d'être venu avec nous ce soir et merci aux Krebs de les avoir invités, ce grand champion et ces grandes championnes. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. C'est gentil. Merci. Merci. Merci à vous. On va passer à notre deuxième pause musicale, c'est les Daft Punk avec le titre Club Soda. We'll be right back. Vous écoutez Radio Campus Montpellier 102.2. I love you in the morning when the blood runs to your cheeks. Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore. Allez, de retour sur Sport and Chill. Désolé, on parlait un petit peu avec nos invités. On est incorrigible, on le sait. C'était les Daft Punk avec le titre Club Soda, un titre qu'on connaît moins des Daft Punk. Et nous, on va passer à quelque chose qu'on attend un petit peu, peut-être pas autant que le quiz, mais quelque chose qu'on attend beaucoup, surtout Guillaume et Alex, c'est le duel. Ce soir s'affrontent deux gladiateurs, je ne sais pas, ça reste mais à voir, hein. Deux chillers sur la question du Football Leaks. Le Football Leaks, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est les affaires qui sont sorties dernièrement dans les médias, Der Spiegel, je crois, du côté allemand, et Mediapart, du côté français, avec tout un tas d'affaires. On a parlé d'Mbappé, on a parlé de Monaco avec Ribolovlev, si je ne me trompe pas, ou Vasilev. Non, Ribolovlev. Et sur cette question, Guillaume, une question centrale que tu peux nous dire entre les Football Leaks. Oui, alors les Football Leaks, pour le grand public, ça peut paraître, comment dire, flou. Énorme, un peu comme quand on sort des attaques. Tu commences déjà ton plaidoyer. Non, mais ça peut correspondre aux Panama Papers qui sont sortis pour le... Pour le Panama. Pour le... pour l'argent. Oui, propos des financiers, donc c'est un peu ça. Et c'était quoi ta question? Est-ce que ça vous choque, voilà, les Football Leaks? Alors, voilà. Alex, qui prend le côté du yes, va commencer, puisque c'est toujours le oui qui commence. C'est 30 secondes, une minute déjà. C'est deux minutes, donc je pense que tu as le temps. Il a déjà pas assez d'arguments pour faire deux minutes. C'est terrible. Entre une minute et deux minutes, Alex, je te laisse commencer. Alors oui, moi ça m'a choqué. Alors je vais donc détailler. Tout d'abord, je vais commencer par le fichage ethnique au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est inacceptable au 21e siècle de pratiquer du fichage ethnique, parce que tout simplement c'est immoral, une atteinte aux droits de l'homme. Donc c'est une grosse révélation, premièrement. On va aller continuer dans le Qatar Gate avec l'arrangement entre l'UEFA pour le fair play financier et le Qatar qui a dépassé pour 1 milliard de dollars, je crois, ce qui est quand même pas une petite somme, hein. Ensuite, autre affaire qui concerne toujours nos amis qatariens, le transfert de mineurs entre l'académie du Aspire, donc qui est à Doha, et le club belge d'Eupen, sachant que le transfert de mineurs est illégal. Donc pour moi, c'est encore un gros caillou dans la chaussure de nos amis du Qatar. Ensuite, autre point, sur Ribolovlev, le fait que sur le transfert de Kylian Mbappé, l'ami George Mendes se prend 10% alors qu'il n'a pas participé au transfert pour service rendu au club. Et monsieur Ribolovlev qui empoche les 175 millions qui n'atterrissent pas dans la poche de l'AS Monaco, je peux comprendre pourquoi il recrute Tillmans et pas d'autres joueurs. Et ensuite, le Neymar, évidemment, tout le transfert rocambolesque. Pour moi, c'est des révélations qui sont très importantes et qui font mal, et je prends un sport éthique, donc ça m'a choqué. Très bien, il te restait quelques secondes, 20 secondes si je me trompe pas, qui seront pas rattrapables, mais Guillaume, tu as tes 2 minutes à toi. Ah, j'ai pas de 15 du coup. Non. Mais qui s'arrange. Je les prends, hein. Alors pour moi, non, évidemment ce n'est pas choquant. Alors la grande majorité de ce qui est déjà sorti et qui va sortir, je pense, est déjà connu des suiveurs. Et à ce titre, d'ailleurs, je déplore l'enquête un peu sensationnaliste d'Envoyé Spécial, notamment sur les primes d'éthique, qui ont été résumées à aller saluer les supporters, alors que c'est pas ça du tout, c'est un critère parmi une dizaine. Alors, les fuites, on peut être choqué par le contenu, évidemment, le fichage ethnique, c'est inacceptable, de s'empocher 170 millions, c'est peut-être inacceptable aussi. Mais donc je suis choqué par ça, mais pas par le fait qu'elles existent. On va pas faire les naïfs, on sait très bien que le foot, c'est un monde où il y a énormément d'argent et que les bonnes valeurs, elles n'existent plus depuis bien longtemps. Alors c'est triste, mais ça n'existe plus. Le sport modèle, le sport propre, il faut faire une croix dessus. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais la Super League, alors il n'y a rien de nouveau. On sait déjà que ce projet rumine depuis 15 ans, que l'UEFA elle freine des cas de fer pour défendre sa Ligue des Champions. C'est pas nouveau. Les transferts, alors tu parlais de Mbappé, qui est encore naïf au point de ne pas comprendre que les joueurs font ce qu'ils veulent des clubs. Je parle notamment de Mbappé qui demande à ce que le club paye son loyer. Ben pour moi c'est pas choquant, il a bien raison de le faire. Et enfin, il faut surtout pas croire ce qu'on veut nous faire croire. Stéphane Guy hier, il disait que les mots du foot reposaient sur le PSG. Alors dans les Football Leagues, on parle des trois clubs que sont Manchester City, Monaco et le Paris Saint-Germain, et ça participe au climat qui règne en ce moment autour du foot, qu'il faut avouer, va traverser une période trouble. Donc pour moi, ce n'est absolument pas choquant. Tu parlais aussi, je réagis sur le fair play financier, sur les montants. Oui, mais les clubs, ils font ce qu'ils veulent, puisque le fair play financier à l'échelle européenne est illégal. Donc ils peuvent faire raquer l'UEFA tant qu'ils veulent. Ils sont sûrs de gagner, ils peuvent s'arranger tant qu'ils veulent, et ils ont bien raison de le faire. Le foot, la finance, la politique, tout ça est lié. Allez. Et il n'y a pas de bonnes valeurs dans ces milieux. C'est terminé pour Guillaume qui a dépassé de quelques secondes, mais on tiendra pas rigueur. C'est gentil. Moi oui. Yacine, est-ce que tu veux réagir en premier sur ces Football Leagues et donner un peu ton avis entre les deux chroniqueurs? Alors moi je rebondirai sur la question de l'immoralité par rapport au fichage ethnique. Évidemment, tout cela est condamnable au XXIe siècle, tout cela n'a pas à voir à faire avec les valeurs du sport, etc. Pour autant, évidemment, on n'a pas besoin d'avoir des affaires comme ça, d'où on, au final, enfin, les sources, etc. C'est toujours des zones d'ombre où on ne sait jamais de quelle maison cela peut provenir. Donc la question de l'argent dans le sport ou la question de l'argent sale, bon, c'est éternel, et dans un football qui prend de plus en plus d'ampleur, etc. J'ai pas de jugement de valeur à faire sur des Football Leagues qui en fait prêchent des valeurs de la morale publique à de Francis Sou pour de l'argent sale dans le football. En 2018, c'est pas trop ma tasse de thé personnellement. Donc tu donnerais ton point à Guillaume Romain, peut-être une réaction dessus. Mais la question, c'était à la fois pas surpris et pas choqué. Alors pas surpris, je ne le suis pas, mais je rejoins quand même personnellement, justement ça va être intéressant sur ce duel, Alex. Ah, c'est gentil. Parce que choqué, je le suis et je le serai toujours de ce type de pratique. Je dis pas que je les découvre aujourd'hui, je dis pas que c'est la première chose à laquelle il faut qu'on s'intéresse lorsqu'on parle de sport. Par contre, c'est tout à fait regrettable et condamnable qu'il y ait ce type d'agissement. J'en ai déjà parlé avec vous. Paris Saint-Germain, Manchester City, c'est toujours eux qui sont dans le viseur et on se demande comment sont orchestrées les manœuvres. Et d'où ça vient? Et d'où ça vient? La question est en droit d'être posée, effectivement. Mais moi, je suis quand même choqué de ce type de pratique, et par certaines plus que d'autres, parce qu'effectivement, sans doute d'autres clubs le font, mais ce sera autant condamnable si on parvient à le découvrir. Mais une pratique, par exemple, comme le fichage ethnique, je trouve ça assez révoltant. Et que certains joueurs, justement, je voudrais juste insister là-dessus, demandent aussi certaines choses totalement hallucinantes. J'avais utilisé un mot que je n'arriverai pas à prononcer. Abracadabrantesque. Merci Yacine, il avait compris ce que je voulais dire, mais je n'ai pas voulu réessayer. Yacine est content, là. Je vous dis que vous avez fait ça ce soir. Je suis aux anges. me laisse un petit peu perplexe, surtout que je pense qu'en réalité ce ne sont pas les joueurs qui demandent ce genre de choses, mais parfois leur entourage, concernant Kylian Mbappé. Allez, je terminerai. Donc Alex pour moi. Je terminerai, moi je ne suis pas surpris évidemment non plus. Là, tout à l'heure, je réfléchis sur choqué. Ne connaissant pas le football, si je ne connais pas le football, je serais très choqué, évidemment. Le connaissant, je ne le suis pas trop. Sachant que, pour moi, le fichage ethnique, pour une fois que j'étais d'accord avec Pierre Ménès hier sur le CFC, il n'y en a pas qu'à Paris. Il y en a presque, je vais pas dire partout, mais il y en a dans beaucoup de clubs. Donc moi, ça ne me choque pas, étant donné que ce n'est pas... Enfin, c'est un secret de polichinelle, quoi, il faut voilà, le dire. C'est ça. Donc je dirais plus envers Guillaume, étant donné que je ne suis pas choqué. Alors certes, parce que peut-être que je connais un petit peu trop le foot pour ne pas être trop choqué là-dessus. Alors après, c'est peut-être malheureux de dire que je ne suis pas choqué, sachant que les déclarations et ce qui est tombé restent choquants. T'es ouais. Le garant de cette émission hein, quand même, n'oublie pas. Tout à fait, ah ouais, tout à fait. Donc je suis désolé Alex, c'est pas parce que t'as fait ton premier duel contre moi que je donne le point à Guillaume, mais sur ce coup-là... Mais il le rappelle quand même, tu vois. Oui, en effet, mais... tu as bien défendu ton sujet, et honnêtement, si j'étais pas fan de football, je t'aurais donné le point. Voilà. C'est bien, je revois votre morale, c'est tout ce que oui, je retiens. Oui, voilà, allez, merci. Allez, on va passer... La défaite encourageante, Alex. Parce que je suis avec toi, Alex. Qu'on attend le plus merci dans cette émission, et notamment quand c'est fait par Yacine, c'est le quiz. Sport and chill, le quiz. Attention Yacine, tu as intérêt à être très bon. Alors certes, tu ne gagneras pas ce soir. Je ne gagnerai pas, j'essaierai d'être bref. Est-ce que tu as le... Tu peux noter les scores ou tu veux que je le fasse? Je vais le faire. Bon écoute, c'est comme tu veux. Je vais le faire, je vais mettre Alex et je vais mettre un point en plus. J'ai pas parce qu'il a, il a mis le... Il a casé le mot secret. Il a casé le mot secret. Quiz ne vous décevra pas. Non, l'autre était mauvais. Il a réussi à casser l'églantier. Non, églantier, non. Non. C'est conciliable, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Alors, j'ai casé conciliable. Ouais, conciliable n'est pas conciliable. Alors, je joue avec Max qui nous a rejoint depuis tout à l'heure. Mes voitures. Si tu veux jouer avec moi, bien sûr. Romain qui jouera tout seul, Alex qui jouera tout seul, et Guillaume qui jouera également tout seul. Déjà un point pour Alex. Très bien. Tu gagnes le quiz. J'espère que ce quiz sera à la hauteur. Yes. Il ne se jouera pas. Je un vais point. Commencer par. Allez. D'abord une question, c'est deux questions, une, mais on va la faire rapide. Hein. Allez, question allez. Tennis sur le Masters. Tour de table ou tout d'abord, je vais demander rapidité, puis pour celui qui donnera la réponse, obligation de donner les noms. Oh. Donc là, petite pression. Hein. Il n'y aura pas de balus, mais bon. Combien de joueurs présents l'an dernier au Masters, donc en 2017, y participent cette année? Quoi, c'est un chiffre? Oui. C'est tour de table. Je vais un chiffre. Tour d'accord. de table. Très bien, même par j'avais dit chiffre, toujours d'accord. tour de table. Systématiquement, très bien. Bah, on commence par moi, 3. 3. Je réfléchis. Romain, peut-être. Ça range cet animateur. Moi, j'attendais qu'il réponde. Oui, parce que le tour de table, là, il passe par toi, Flo. Mm. Mais bon, je vais donner une réponse parce que sinon, on va pas s'en sortir. Il faut que je fasse un conciliabule avec mon. Oui, mais. Fais donc, laisse-moi répondre. Vraiment, j'avoue que je suis pas certain du tout de moi. Donc, je vais dire 4 personnellement. Alex 3. Ouais, on va 3. Ah ouais, non. On va mettre 3 aussi quand même. 3 comme... ouais. Je vais donner c'était 4. Bon, bah, allez. C'était merci 4. Messieurs. Alors, point pour Romain et Alex. Non, j'ai dit 3. Le Covid, Federer et qui Romain. J'ai dit combien de joueurs présents l'an dernier participent cette année. Alors, les 4, c'était Roger. Oui, Marit, oui. Nishikori, non Zverev. Ah, Nishikori. Nishikori non, il n'était pas l'an dernier. Tim et Dominique Thiem. Dominique Thiem. Oh. Ah oui, Dominique Thiem. Les absents cette année qu'on ne retrouvait l'an dernier. Qu'on salue Thiem. Tout à fait. Les absents de cette année étaient Jack Sock, Grigor Dimitrov, vainqueur de l'édition précédente, Rafael Nadal qui n'a joué qu'un match puis remplacé par Carreño Busta. Je connais pas. Et David Goffin. David Goffin qui était là l'an dernier. Vraiment un sale master. Qui a gagné l'an dernier. Non c'est pas Dimitrov. C'est Goffin qui avait battu Roger. Ah oui, c'est le baby Fed qui n'a jamais gagné. C'est le Federer bulgare. Allez, Yacine. Toujours actualité tennis et une nouvelle fois tour de table. Question sur Fed Cup. Donc évidemment, la finale République Tchèque États-Unis a vu consacrer la victoire des Tchèques pour la énième fois dans leur histoire. Et ma question portait sur les nations qui l'ont remporté depuis 2000. Je veux savoir combien de nations l'ont remporté depuis 2000. Combien ? Tour de table. Chez les féminines, évidemment. Depuis 2000, hein ? Depuis 2000. On va commencer avec Alex. En inverse. Il est gentil, monsieur. Ouais. Bah allez, je dis 5. Romain. J'étais dans ces eaux-là aussi. Du coup, je me fais... je vais dire 5 aussi, en fait. Il faut les citer après ? Non, ça sera difficile, je pense. Je vais dire 5. 5 aussi, très bien. Allez, on tente le beau jeu, on dit 4. C'était mon hésitation, d'ailleurs. 6. C'est Guillaume qui a le point. C'était 7 nations. Ça. À ce point-là. Alors, quand même, 6 18 fois, ans, hein. Depuis 2000, 6 fois ouais, la République tchèque. Ouais. La Russie, elle a gagné 4 fois. l'Italie 4 fois, ouais. Les États-Unis 2 fois, la Belgique 1 fois. Et oui, oui, oui. Ah ouais, c'est vrai. Une fois. La France 1 fois avec Amélie Mauresmo et Marie Pierce dans l'équipe. Ouais. Et enfin, alors là, si vous me la trouviez, c'était Biélorussie. Énorme, la Slovaquie. Ah ouais. La Biélorussie l'avait perdu face aux États-Unis l'an dernier. Donc, point pour Guillaume. La Slovaquie, Peter Sagan, c'est noté. Très bien. Slovaquie, putain. Deux questions au rugby désormais. Au revoir. Rapidité au tour de table. Tour de table également. Là, c'est soirée tour de table. Hein. Désolé. C'est soirée voilà. Arthur et table ronde. Exactement. Donc, elle porte sur l'historique France-Afrique du Sud en compétition officielle ou en test match. Quelle était la dernière victoire française sur les Sud-Africains? C'est rapidité ou tour de table, toi? Non, c'est un tour de table. L'année me suffira. Hein. Tu peux redonner la question, pardon. Quelle était la dernière victoire française sur les Sud-Africains? Tu veux l'année, hein? Je veux l'année. 2009. D'accord. 2009 pour Guillaume. Ah, la Coupe du Monde, je sais pas si... Bah, 2011. 2009 pour le duo. 2009 pour Romain. 2009. C'était 2009. C'était en novembre 2009. Le test match se jouait à Toulouse. Et c'était victoire 20-13 du 15 de France. Ouais, je savais ça. On était bon à l'époque. Donc au total, 13 victoires Afrique du Sud, 5 nuls et 5 victoires françaises. Allez, on enchaîne. Est-ce que... Oui, bon, on verra. Je voulais poser encore une question sur le 15 de France. Elle portait sur le dernier match à domicile de la France face à l'Afrique du Sud en 2013. Et je voulais savoir aussi la rapidité. Non, autour de table, pardon. Combien de joueurs présents samedi jouaient le match en 2013? Attends, j'ai une question. Titulaire ou tous les deux? Titulaire et remplaçant. Des deux côtés. Malade, là. Des deux côtés? Non, ça va, c'est bon. Côté français. Ah, côté français. 2013, t'as dit? Oui, c'était le dernier match à domicile, hein, je précise. Au Stade de France. Tu démarres par qui? On n'a pas commencé, on va commencer. On dit 4. 4. 4. 3. 3. 2. 1. Partez. Non, moi franchement, je dis 10. Romain? À ce point-là? Ah, il a dit tout. Moi, je dis... Il aurait dit les 15, je dis 7. Qui a dit 4? Nous. C'est vous qui avez le point, c'était 5. Alors, pour les remplaçants et les titulaires... Alors, attends, est-ce qu'on peut essayer de... Bah ouais, mais quand même. Il y avait Picamol. Il y avait... Non, il n'y avait pas Picamol. Il y avait Médard. Il n'y avait pas Médard. Ça démarre bien. Il y avait Lopez. Je vais vous dire les 5. Lopez de Staro. Il y avait Mathieu Bastaro. Ouais. Il y avait Sébastien Vahamaina. Ouais. Il y avait Rabah Slimani. Il y avait Maestri. Il y avait Johan Maestri. Ah bah. Et il y avait Venceslas Toré. Ouais, c'est ce que je savais. Ça fait 5. J'allais dire ça après. Point pour vous malgré tout. Moi, j'ai même pas essayé de compter. Question route du Rhum. Alors, je vais demander une année, donc je sais pas si je fais un tour de table ou je. Bah ouais, parce que sinon on va citer toutes les années. Alors. Quelle était l'année de la première édition de la route du Rhum? On va commencer par Guillaume. 1978. Après, tu fais le tour, Yacine. Tu oui, très bien. À nous, c'est à nous. Vous. À vous. Ah, je sais pas, moi je crois que c'était un nombre pile cette année. Bah, je dirais. T'as dit combien, Guillaume? 1978. Non, c'est l'air. 40e. Bah, je vois pas que c'est. Ouais. Bah, allez, on va faire moins, on va faire 88 du coup. 88 pour vous, Romain. Non, 78. Oh, c'est honteux. C'est honteux, ça. J'ai le droit, c'est moi qui note les scores. Oui, oui. Non, mais il a le stylo, je ne peux pas négocier. Moi je peux vous dire que c'est... Enfin, je dis 78, je sais pas si c'est cette année-là, et je peux vous dire que c'est la 11e édition. Je sais pas si ça aide mon... Donc, quelle est ta réponse? 78 aussi. Ouais. Et enfin, Alex. 78 aussi. Allez, point pour tout le monde. Yes. Ça fait CD 78. On va enchaîner. Pour départager, j'ai l'écart. Moi aussi. Je l'ai aussi. On va enchaîner avec des questions foot. Question français. Tour de table. Enfin, un vrai sport. Je veux juste les deux français. Là, ce sera rapidité. Qui figurent dans le top 10 des meilleurs buteurs de Bundesliga. Sébastien Haller. Mais attends, t'as pas dit quand? Ah, bah, cette année. Actuellement, quand même. On a dit Pléa, nous. À la Sainte-Pléa, Sébastien Haller. Guillaume Alpoin, ouais, il a dit les deux. C'était à la Sainte-Pléa et Sébastien Haller. À l'air libre. C'était un point. J'avais qu'à la scène. Un point pour Aller et Pléa, c'est nous qui l'avons dit en premier ou c'est... Non, j'ai dit aussi. Hein. Okay. Direct. Bon, on va mettre qu'un point pour Aller. On va donner un point à Guillaume. À la scène Pléa qui a été appelé cet après-midi en équipe de France. Prochaine question. Super Classico. Quel ancien joueur passé par la France. Oui, passé par la France et reconverti entraîneur. Entraîne River Plate. Marcelo Gallardo. Ouais. Et calmé. Point pour Guillaume, c'était Marcelo Gallardo. Qui a entraîné Monaco, non? Et qui a entraîné qui a joué à Monaco et qui a joué à Paris, ouais, et qui l'entraîne et qui a déjà gagné une Copa Libertadores. C'est ça. Ouais. Est-ce que j'aurai le temps normalement? Oui, oui, oui, vas-y. Très bien. Dernière question foot et puis après il y aura une question de F1, hein. J'annonce comme ça. Ah yes. Là ça sera tour de table. Hein. T'as pas intérêt à rater. Tour de table les gars. Défaite du Barça face au Betis 4-3 au Camp Nou. Oui. Qui a causé une petite surprise. Je voudrais en tour de table que vous me disiez depuis combien de matchs le Barça n'avait pas perdu à domicile en Liga. On va commencer par Alex. C'est quoi, c'est la date? Non non, je veux juste le nombre de matchs en Liga, je précise. Hein. En Liga. Oui. Alex, à toi. 25. Romain. 42. 42 pour Romain. Il est pas loin, lui. Chez lequel c'est, en tout cas. Moi aussi. Le match. Et je connais l'année et le mois. Et je l'ai vu. Bon, les gars. T'as dit combien? Ah, je... On dit plus. Ah, il a dit 40, ouais. Machin. 42. 42, il a dit. Et toi, t'as répondu? Non. Ok. Bah non, tour de table. En fait. Je tente des choses. C'est un duo et c'est des escrocs en plus. On va dire 55. 55. Et pour Guillaume? Alors, est-ce que Romain le sait? Je sais que c'est dans les 40, je pense, mais allez. 43. Point pour Romain, c'était 42. Face à Alaves en septembre 2016. 2-1. 2-1 pour Alaves, évidemment. C'est mieux le Barça que le Real. Féru de Liga. Question F1 pour changer un peu désormais. Toujours par rapport F1, à l'actualité. F1, je te passe le flambeau. Hein. Très bien. Alors, ce week-end se déroulait hier, évidemment, le Grand Prix du Brésil. Hein, donc, nous avions à peu près toujours les mêmes vainqueurs depuis quelques années. Moi, je voulais savoir, et ça sera une question rapidité. Quel est le dernier pilote vainqueur de ce Grand Prix qui n'a jamais été champion du monde? Oula. Felipe Massa? Je sais pas s'il a... Non, ça sera pas éliminatoire, hein, je précise. Ah, d'accord. Vous pouvez y aller. Bah, dis autant que. Rosberg l'a été. Weber. Ricardo. Weber. Non, ouais. Point pour Alex. C'était Marc Weber avec la Red Bull Renault en 2011. Putain. Auteur et... Bon, Max, t'es venu pour rien. Auteur et pilote de Formule 1. Et on va terminer par un qui suis-je. Ah. Où en sont les scores, Flo? Ah oui, alors 5 pour Guillaume, 4 pour Romain et Alex, et nous on est à 2. On envoie du lourd, un point chacun. 5 qui suis-je, palpite, hein, du coup. Pour... Est-ce qu'on met à 2 points le qui suis-je? Oui, on met à 2 points. Oh, non. Il vaut ses 2 points. Faut pas finir là. Oui, bien sûr, c'est le premier qui l'a. À 2 points. Qui suis-je? Je suis né il y a 45 ans, outre-Atlantique. J'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle en France, dans une équipe collective, où c'est là que je me suis construit un nom et un beau palmarès, dont plusieurs fois finaliste, puis vainqueur de la compétition la plus prestigieuse dans mon sport en France, en 2010. Une fois pris ma retraite, j'entame une carrière d'entraîneur, où j'officierai notamment dans la région, voire dans cette ville, Montpellier. Je retrouverai les Bleus le week-end prochain. Laurent Blanc? Non. Oh putain, outre-Atlantique, n'importe quoi. Tu retrouveras les Bleus le week-end prochain? C'est pas forcément le foot, les gars. Ah, Ledesma. Ah, Mario Ledesma. C'était Mario Ledesma. Il a vécu dans mon village, en plus. 2 points pour Alex. On le croisait au marché. Et Alex? De Mario. Qui s'impose. Oh, sur le fil. C'est, non, mais les 2 points, c'est scandaleux. Moi, oui. Oh, c'est moi qui fais les quiz. Alors, victoire de Alex ce soir. Au buzzer. Mais, hein. Oui, mais tu as gagné le duel face à lui, Guillaume. Ne fais pas la tête. Tout ira bien. Pour une fois qu'il a signé, je joue pas, je gagne pas. Il a gagné le quiz du cœur, Guillaume. Et alors, les gars, pour la route du Rhum, c'était 98 secondes en 78. Oui. Non, c'est pas... Tu n'auras pas de points non, en plus. Parce qu'il avait parlé de Descartes. Allez, messieurs, on passe à l'Injada, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, j'arrive. Et je vois que personne n'est prêt, donc je commence avec le tennis. Les prochains joueurs des Masters, les matchs entre les groupes A et B. Le groupe A avec Zverev, Cilic, Isner et Djokovic qui vont se jouer ensemble. Et le groupe B, Federer, Anderson, Nishikori et Dominic Thiem. Pour ce groupe B, ça finit dans cette semaine, on en parlera dans la semaine prochaine dans Sport & Chill. Et au niveau du foot, Guillaume, est-ce que tu as repris. Je suis prêt. J'ai perdu, mais je suis prêt. Au niveau du foot, Pas grand chose cette semaine. C'est la trêve internationale et donc c'est la Ligue des Nations qui reprend ses droits avec jeudi Belgique, Islande et Croatie, Espagne dans la poule A, enfin au niveau première division. Vendredi, Pays-Bas, France pour la victoire du groupe et Pays de Galles, Danemark dans la poule B, enfin division B. Samedi, non, vendredi aussi en qualif pour la CAN, je sais que ça va te faire plaisir, Yacine, il y a Maroc-Cameroun. Voilà, c'était pour toi, c'était une petite délicace. C'est du sucre ça, la CAN, hein. Ouais, c'est de la sucre. Samedi. Oh. Allez. Blop, blop, allez, on va y aller. Blop, blop. Et il est 21h, il est 20h55. Samedi, Italie-Portugal, Turquie-Suède et un petit Serbie-Monténégro qui me fait rire. Dimanche, Angleterre-Croatie, Suisse-Belgique. Et en D1 féminine, PSG-OL, c'est le gros choc de la division 1 féminine. Et enfin, quelque chose à noter, c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 ce week-end dans le 7ème tour de la Coupe de France. C'est tout le week-end. Ok, Alex, en rugby. Alors au niveau des tests, nous avons un petit Italie-Australie, un petit Angleterre-Japon, un petit, mais quand même alléchant sur Écosse-Afrique du Sud, le gros choc Irlande-Nouvelle-Zélande, France-Argentine, bien évidemment, Galles-Tonga, et je vais quand même évoquer aussi, puisque c'est cette semaine, le calendrier de la Pro D2 avec un palpitant Béziers-Bayonne ce jeudi. Oula, on sent qu'il n'est pas bitaro pour deux fois. Nous aurons Biarritz-Carcassonne, Colomiers-Nevers, Aurillac-Mont-de-Marsan pour les matchs les plus intéressants vendredi et le gros match de dimanche, Brive-Oyonnax. Merci Alex. Au niveau des autres sports, Romain. Au niveau des autres sports, je me permets de répéter le tennis dans la rubrique, ça ne te dérange pas. Avec les ATP World Finals. Ouh, il me regarde bizarrement, là, je m'inquiète. ATP World Finals de Londres, donc le Masters dont on a parlé avec les 8 joueurs mondiaux. Peut-être que tu donneras en fait. Les affiches, ça, je ne sais pas. Je l'ai donné. Fait, en fait. Mais il était en train de regarder parce qu'il n'était pas prêt, bien sûr. Parce que je n'étais pas prêt. Non, mais, mais je t'en prie, j'ai parlé du tennis. Là, je te sens l'agressivité. En effet. Ça parle des doubles. On va se calmer. Du coup, en WRC, le Rallye d'Australie, on termine les saisons dans les sports auto. Ou encore le retour, bien sûr, des sports d'hiver, cette fois-ci, réellement. Avec les différentes épreuves qui reprennent leurs droits, notamment le saut à ski, le curling, j'ai pu noter, et puis surtout... Je sais que tu aimes dire ça, mais... Le curling. Mais ça a son importance. Et surtout, ouais. Le ski alpin. Soyons sérieux pour terminer cette émission, quand même, messieurs. Avec le slalom de Lévis, qui sera le 18 novembre. Et donc, qui est un des premiers grands moments de ce début de saison. Et qui nous fera vraiment entamer cette saison. Sachant que, faut-il le rappeler, chez les hommes, Solden avait dû être annulé. Et enfin, bien sûr, alors je ne suis pas allé regarder le détail des matchs, mais je vous assure qu'il y a plein de beaux matchs à suivre en ce moment. La saison de NBA qui continue à battre son plein avec beaucoup de beaux matchs encore à suivre tout au long de la semaine. Battre son plein, c'est un point pour le coup de la semaine prochaine. Oh non, ça va, ça. Oh, elle est bien, c'est facile. Elle est facile. Écoutez, écoutez la sagesse. Peut-être rajouter, alors je sais pas si c'est cette semaine, bientôt les championnats de France de natation qui se déroulent à Montpellier. C'est cette semaine aussi, tu fais bien. Je profite de le dire et j'enchaîne justement sur en 25 mètres. Oui, en petit bassin. J'enchaîne sur les sports Montpellier. MHSC féminin qui reçoit Rodez samedi à 14h30. Les Vipers reçoivent La Roche-sur-Yon samedi à 19h. Le MMF se déplace, donc futsal se déplace à Pfstatt, donc je sais pas ce que c'est en Alsace, samedi à 16h. Montpellier Volley reçoit Chaumont pour le gros match samedi à 20h. Le MHB reçoit mercredi à 14h. Mercredi 14 novembre pardon à 20h45 Rennes, car les Allemands et vont se déplacer à Tremblay pour le compte de je ne sais pas quelle journée de Lidl Star League, la 9e journée, merci Yacine, samedi. Et c'est la trêve internationale pour les MHSC masculins, le MHR, le MRC et le MWP. Le pronostic de la semaine, c'est France-Argentine en rugby. Je voudrais savoir donc pas le score, mais victoire ou défaite, et s'il y a bonus ou pas pour vous. On va peut-être commencer avec le spécialiste rugby de la soirée, c'est Romain. Ah bon, c'est moi. Bien sûr. Je suis ravi, mais je pensais que tu allais dire Alex, lui faire cet honneur. Mais... Alex, c'est le spécialiste de la Pro D2. Mais c'est pas la même chose. Et du pays bitérois. Tu fais bien c'est le dire. Hein, la Pro D2 est à très bon niveau. Il faut encore qu'il travaille. Moi, je suis rugby depuis le début. Mais tu es l'historique. Après, donc après moi, Alex, je commence à prendre ta place. Je veux être optimiste, mais un petit peu réaliste aussi. Donc, ce sera victoire France, bonus Argentine. Même s'il n'y a pas de bonus, ça, c'est une tournée. Oui, non, mais écart, c'est écart, manière, écart, écart de 5 points au moins. Oui, voilà. C'est écart, manière de dire écart de moins 5. Alex. Comme Romain, victoire France d'un point. Je lui donne le point. Yassine. De 2. Victoire française avec, disons. But du Lézérasme. Avec moi. Avec but de Vincent Candela, oui. Avec moins de 10, avec moins de 10 points d'écart, pardon. Victoire française, moins 10 points d'écart. Guillaume. Argentine. Argentine. Pardon ? Argentine. Et bonus, non rien ? Ah, oui, bonus offensif Argentine. Et Guillaume ne sera pas invité la semaine prochaine. C'était non, sa dernière émission. Oui, Argentine, courte victoire. Après, 5, oui, 5. Ok, 5. Allez, Max. Oui, France à l'arraché aussi, moins de 5 points. Je dirais. Et moi je vais dire France avec bonus offensif. allez, on fait péter avec plus de. Je sais pas, allez. 12 points. Oh bah bah. L'Argentine, à chaque fois qu'ils viennent en France, ils nous gagnent. Hein. Allez, France, 12 points, je dis. Voilà. Je remercie. Juste, une pardon. Précision, parce que vous m'avez perturbé. Mais donc, il y a le WRC, mais il y a aussi le dernier Grand Prix de MotoGP à Valence en Espagne. Et surtout, tu parlais de la natation, tu fais bien de le dire, parce que je me suis rendu compte et qu'on aura de nouveau une chroniqueuse qui nous reviendra, qu'il y a aussi les championnats du monde de sauvetage sportif qui démarrent en Australie. Oui, tu as bien fait de le dire. C'est vrai, à partir du 17 novembre et jusqu'au 2 décembre. Voilà. Justine Weiler. Donc, ce sera le week-end prochain pour Justine. On la salue. Donc, merci de nous avoir écoutés ce soir aux auditeurs. Merci à la technique. Je crois qu'on est encore en live, si je ne me trompe pas. Non, d'accord. J'allais dire, on était encore en live. C'est une impression. Merci, Tom, de nous avoir fait la technique ce soir. Merci surtout aux Krebs avec JC de nous avoir ramené donc, des invités exceptionnels ce soir, ouais. Des champions du monde, il faut le dire, de triathlon. Et merci à mes chillers ce soir d'avoir été avec moi. C'était une belle. Une belle soirée, une belle émission. Et un petit message personnel à mes collègues du Cross Occitanie, pour ne pas les citer, Aurélie, Amélie, Valentin, Manon et Émilie. J'en profite, sachant que je suis l'animateur de l'émission, pour me faire un petit kiff. Voilà. On les salue. Il faut de temps en temps. Et le son de la semaine, on va finir par ça, c'est victoire de Cassandre Beaugrand, évidemment, au championnat du monde à Hambourg cette année. C'était il y a quelques semaines, une belle victoire de sa part, une des plus grandes de sa carrière. On va finir par ça et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Sport & Chill, évidemment, sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. Salut à tous. Merci. Salut. Très bientôt. À la prochaine. De Casper, c'est notre Cassandre qui va débouler sur le tapis bleu. Oh, fabuleux. Fabuleux. Victoire historique pour la française et le triathlon français. C'est une première. Tout simplement une première pour le triathlon féminin. Du côté des garçons, c'est déjà imposé. Elle n'en croit ouais, pas ses yeux. Et oui, c'est génial. Tu l'as fait, chapeau. 58-06, voilà le temps. C'est la plus belle. Ah, c'est la plus belle étape. Abandon il y a 2 ans. Cette grosse chute encore une fois l'an dernier. Et pour son 6e départ en WTS, la victoire, le public est au... Faire écouter ma nouvelle chanson. Ouais, bien sûr. Ah, avec plaisir. Célibataire, nous sommes célibataires. Radio Campus Montpellier. J'ai 24 ans, j'ai pas de copine, j'ai pas de famille, j'ai pas de voiture. L'expérience sonore.